qu'on amène le coq. Il est pile 6h. Soyez les bienvenus sur Énergie, on est jeudi, c'est le 8 novembre, dans deux jours c'est les Energy Music Awards, je suis content, je suis joyeux, j'ai pris une douche ce matin, je suis bien. Non, ça veut pas dire que j'en prends pas une tous les matins. Ah, okay, effectivement, ça met le doute. DJ Snake arrive dans deux minutes, tout de suite c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Pas mal de brouillard ce matin un petit peu partout. Ça devrait se dissiper assez vite au lever du jour pour laisser place aux éclaircies sur la grande majorité des régions. Du soleil même au menu pour la Normandie et les Hauts-de-France en principe. Le ciel sera plus nuageux mais sec vers l'Auvergne et la Bourgogne ou encore les Pays de Loire. Les températures max aujourd'hui comptaient 11 degrés à Sedan, 13 au Mans, jusqu'à 18 pour Toulon. La loi des séries, un nouvel immeuble vétuste s'est effondré hier. Cette fois, c'était à Charleville-Mézières, dans le Grand Est, mais heureusement, personne n'a été blessé. À Marseille, les secours ont retrouvé un sixième corps dans les débris des deux bâtiments qui se sont écroulés lundi. Il resterait au moins deux disparus ce matin. La journée de lutte contre le harcèlement scolaire, l'occasion de faire le point ce jeudi sur un fléau qui touche de nombreux élèves. Selon les chiffres officiels, 10% des primaires, 6% des collégiens et un petit peu plus d'un lycéen sur 10 a déjà été victime de moqueries. Les insultes aussi, les violences sont très fréquentes. La hausse du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, par exemple, inquiète également. Il existe un numéro pour parler, se confier et recevoir des conseils en cas de problème, c'est le 30-20. C'est souvent comme ça lorsque vous faites un achat sur Internet. On vous envoie un code par SMS pour vérifier qu'il s'agit bien de votre carte de crédit. Rien de très sécurisé pour l'Europe qui demande donc aux banques de trouver au plus vite un autre dispositif plus performant, entré en vigueur prévu à la rentrée 2019. Vous pouvez regarder autour de chez vous. Le prix du diesel se rapproche, voire dépasse de plus en plus souvent celui du sans-plomb à la pompe. La mobilisation des gilets jaunes s'organise. Des blocages sont prévus aux abords de nombreuses villes le 17 novembre contre la hausse des tarifs de carburant. Un syndicat de policiers se joint d'ailleurs au mouvement en annonçant une journée sans PV. En foot, nouvelle déception pour un club français en Ligue des Champions. Hier, cette fois, c'est Lyon qui n'a pas réussi à s'imposer à domicile face à Hoffenheim. Match nul de partout après avoir mené 2-0 à la pause et joué 45 minutes en supériorité numérique. Heureusement, les Lyonnais restent très bien placés pour la qualification en 8e de finale. L'Europa League ce soir avec notamment Marseille en déplacement en Italie chez la Lazio de Rome à 18h55. La semaine est lancée avant les NMA samedi à Cannes. Les NDA se déroulaient hier soir à Monaco. Les Energy DJ Awards, 7e édition, ont récompensé les meilleurs artistes de l'année dans le monde de la musique électro grâce à vos votes. Martin Garrix, DJ international. Kungs, DJ francophone de l'année. Le duo Calvin Harris, Dua Lipa pour le single Dance Electro ont eu droit à leur trophée. Infos et vidéos sur les réseaux sociaux de la radio. Johnny Depp, Jude Law, Eddie Redmayne, le casting complet des Animaux Fantastiques. Les Contes de Grindelwald est attendu à Paris ce soir pour l'avant-première mondiale. Le spin-off d'Harry Potter sortira chez nous la semaine prochaine. 6h03, c'est la fin de ce flash. On est le jeudi 8 novembre. Très bon réveil, très bonne matinée sur Énergie avec Manu dans le 6-9. Bonne journée. Coucou les Wawa. Coucou. Bonjour Isabelle. En pleine forme. Bonjour Paulette. C'est la fête. Bonjour Glandu. Étirement. Bonjour Nico. Bon week-end. Bonjour papa. Pas tout de suite. Et bonjour tout le monde. Allez. Ça commence. On est jeudi et non, c'est pas encore le week-end, mais quoique, ça se passe dans la tête. Alors, bienvenue sur Énergie, on est là pour vous, pour démarrer cette journée ensemble, pour créer cette journée ensemble, parce que je vous le rappelle, les journées, on les subit pas, les journées, on les laisse pas regarder, les journées, on les prend, on les bouffe, on leur met des petites claques aux fesses. Ah ouais, carrément. Ouais, dans l'intimité. C'est une petite claque aux fesses à la journée, on se dit, allez. Petite journée, on démarre la journée, on est bien. C'est cool. DJ Snake arrive dans deux minutes, il y aura aussi Jérémy Frérot avant 6h30. Dans cinq minutes, on va se dire qu'il y a toujours pire que nous dans le monde, parce que c'est vrai, avec les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables, je vais vous raconter leurs histoires. Ouais. Pour démarrer cette journée, qu'avez-vous envie de partager avec nous, Isabelle? Je suis vraiment débordée en ce moment et je crois que ça commence à se voir. Puisque hier, en fait, j'ai emmené mon fils chez le pédiatre et au moment de lui donner son carnet de santé... J'ai donné le carnet de santé de mon chien. Non. À mon pédiatre. Alors deux choses. Vas-y. Alors d'abord, je ne savais pas que le chien avait un carnet de santé. Et ben voilà. Je suis très bien. Et si tu en es à confondre par fatigue le carnet de santé de ton enfant avec le carnet de santé de ton chien, la question est toute simple. Est-ce que tu fais manger ton chien à table et ton fils dans une galette? Non Manu, j'en suis pas là quand même, tout va bien. C'est-à-dire qu'à Noël, son fils, il aura un nonos. Ça va être hyper sympa. Mais alors, son chien a un truc de Playmobil. Génial. Qu'avez-vous voilà. envie de partager avec nous ce matin, Glandu? Moi, j'ai une éternelle question et j'ai besoin de vous pour y répondre. C'est comment on sait quelle somme on doit mettre dans une cagnotte en ligne, une cagnotte d'anniversaire? C'est très compliqué. Ouais. Moi je sais jamais parce qu'il faut mettre. Moi j'ai une technique mais je sais pas si c'est la bonne, c'est que je prends le nombre, j'attends que les gens participent, je prends le nombre total de participants et je le divise par la, il y a la somme de la cagnotte, tu vois, ouais. Et je divise, je fais une moyenne de ce qu'ont donné les gens en fait. Pas et je donne la même somme. Ouais. Ah c'est pas con. Je fais ça mais je comme ça dis... t'es dans la moyenne du coup. Ouais c'est ce que je me dis. Je passe inaperçu quoi. Moi je fais la même chose mais je baisse encore, comme ça je suis dans la moyenne basse. Bravo les généreux. Non mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir combien tu donnes. Ouais. Bah, moi je vais sur mon compte et je vois ce qui peut passer, tu vois. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Bah, du coup la moyenne elle chute grâce à Paulette. C'est ça. Puisque son compte elle sait pas que le chiffre moins à côté c'est pas un tiret. C'est vraiment qu'elle est en négatif. Qu'avez-vous envie de partager avec nous ce matin, Nico? Bon, moi je suis en vie mais je sais pas encore pour combien de temps là. Ah bah dépêche-toi parce qu'on a quand même l'émission qui c'est 3h30, ouais. Après tu fais ce que tu veux. Non. C'est vrai. Non mais hier j'étais chez moi et tu sais j'avais faim, j'ai mangé du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète, oui. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte après que la date limite de consommation, c'était fin octobre. Mais fin octobre 2015. Ah. T'avais un truc chez toi qui était périmé depuis 2015. Mais oui. En fait, j'ai demandé à ma femme quand elle est rentrée le soir, tu vois, je lui ai demandé, je dis putain, il avait un goût bizarre le beurre de cacahuète, elle me dit on en a plus. Et en fait, bah, c'est pas qu'on en avait plus, c'est que le pot était derrière et on l'avait pas vu, il était dans le placard. Et du coup, j'ai mangé du beurre de cacahuète. Oh. Effectivement. Je l'ai mangé, mais franchement, il avait un goût chelou, quoi. Et tu te sens comment? Bah, je me sens un peu fébrile, du coup, psychologiquement. Donc, je sais pas. Voilà, je vous tiens au courant. Bon, écoutez, si ça vous intéresse de faire de la radio avec nous le matin, préparez votre CV. Peut-être qu'une place se libérera d'ici demain. Voilà, une petite annonce qui passe. Mais voilà, ouais. Parce que je pense à nous d'abord. Hein, oui, pour oui, pas que ouais, je comprends. Tu vas pas nous retarder non plus. Ah, mais moi aussi, mais c'est pour ça que je vous le dis. Hein, voilà. Coup, et si jamais, effectivement, tu devais mourir, le fais pas ici parce qu'après, il y a de la paperasse à faire. Ah ouais. Ah, non. D'accord. Et franchement, moi, j'ai un rendez-vous après l'émission. Ok. Voilà. Okay. Bon. Manu, je te trouve vraiment très cool quand quelqu'un meurt, en fait. Je suis pas encore mort. Non mais honnêtement, t'es pas encore mort mais t'es quasi mort hein. Franchement le décédé la ramène pas. Oh non. Moi Nico tu me manqueras beaucoup. Merci, c'est horrible. Je vais mourir. Paulette, en voulant être gentil avec toi, en fait, c'est horrible parce qu'il n'est pas encore mort en fait. Oui. Enfin, Paulette, elle fait mon discours d'enterrement. Ouais. C'est glauque. Et Paulette, elle est en train. Tu sais quoi, elle vient d'envoyer un SMS à ta sœur. Je suis vraiment désolé. Allez, 6h08, dans 3 minutes, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Juste après DJ Snake et Selena Gomez. Bon réveil sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va a él, va. Oh, oh, oh, oh. I'm music, I'm flows. Boy, bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. My booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Oh, oh, oh, oh. Careful when you come through my way. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you. taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. I'm dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up again. I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, yeah, my talkie talkie gives. Dáleme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Bienvenue sur NRJ, il est 6h11, il est temps d'ouvrir le centre d'accueil des hommes. Ah, ça y est. Vous vous êtes fait gronder par votre femme, votre copine vous a donné un petit coup sur la tête en vous disant c'est pas bien. Vous vous êtes fait gronder alors que vous ne savez pas pourquoi vraiment réellement. Eh bien le centre d'accueil des hommes est là pour vous. Vous nous appelez au 0870 42 48, vous nous racontez pourquoi vous vous êtes fait gronder par votre copine ou votre femme et nous on vous fera des hugs. Okay. Ouais, tout simplement. Ouais. 0 870 42 48. On fait ça juste après Jérémy Frérot. Mais avant ça, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous dans le monde. Ouais. Grâce au cocon du jour. C'est parti, des gens improbables qui font des choses improbables. Voici leurs histoires. On démarre en France, dans le Nord. Deux braqueurs ont tenté de cambrioler très tôt le matin une banque de village. Ouais. Problème, il était très tôt et la banque n'avait pas encore été approvisionnée en billets. Ouais. Mmh. Ils sont donc partis avec 16,50 €. Oh non. Quoi ? Ah ouais. Et la police a réussi en plus à en rattraper un des deux, il est en prison. Ouais. Oh non. Et le deuxième, il va pas se vanter. Hein. Ah ben ouais. À Montpellier, un homme est accusé d'avoir cambriolé une concession automobile et volé 6 clés de voiture de luxe, 600 € de tickets de cinéma et 22 000 € de tickets restaurant. Ouh. Alors comment on sait que c'est lui ? C'est parce que c'est un ancien employé qui est entré en utilisant son code de l'époque. Ah oh, mais non. Et son code de l'époque, c'est un code personnel que seul lui et le patron connaissaient. Ah ouais. Comme quoi voleur c'est un métier. Ah ouais. Il y a les pros et lui. Dernier concours du jour, ça se passe dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs voitures venues mettre du gasoil dans la station-service d'un hypermarché ont fait 100 mètres et sont tombées en panne. La raison, il y a eu une erreur et la cuve n'était pas remplie de gasoil mais d'eau. Ah oui. Non. Ouais. Alors l'hypermarché doit payer la réparation de toutes les voitures. Donc faites un check quand même, parce qu'en ce moment il y a tout le monde qui dit essence ouais. à prix coûtant. Ouais. Tu m'étonnes, c'est de la flotte. Ouais, c'est ça. Ouais. Faites gaffe. Allez, 6h13, on revient tout de suite. On va écouter Jérémy Frérot et on va ouvrir le centre d'accueil des hommes. Votre femme vous a grondé, vous vous êtes fait tirer les oreilles. Venez nous raconter pourquoi et on sera avec vous. À tout de suite. Manu dans le 6-9. Manu revient, Manu revient, Manu revient parmi ses ouins, ouins. Sur Énergie. Énergie. I know I was born. Jérémy Frérot. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 6h16, nous ouvrons le centre d'accueil des hommes. Vous vous êtes fait gronder par votre femme, votre copine. Venez nous raconter ça dans 3 minutes, on vous prend au téléphone. On est avec vous, c'est ça aussi, tous les matins. Allô, non, il n'est pas fait. J'en fais trop. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune, les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire de la hauteur, ah, ah, ceci n'est pas un au revoir, alors je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Soyez les bienvenus sur Énergie, le moment est grave. Nous allons ouvrir le centre d'accueil des hommes. Oh là là. Ouais. Ce centre d'accueil des hommes, c'est de l'amour. Que de l'amour. Vous êtes fait gronder par votre copine, par votre femme, vous avez souffert, vous souffrez encore. Eh bien, c'est le moment de nous appeler au 0870 42 48 pour nous raconter. Et nous sommes là pour vous écouter. Sur Twitter, déjà, ça commence. Ouais. Hashtag Manu dans le 6-9, Alexandre dit, ma copine m'a grondé car le jus d'orange que je lui ai acheté est avec pulpe. Oh, voilà. Il lui achète du jus d'orange, des vitamines, ah oui, C pour qu'elle soit en forme. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Il y a plein de la pulpe. Ouais, tu prends une passoire et tu le filtres, quoi. Ça donne du jus d'orange sans pulpe. Mais bien évidemment. Mais elle veut pas faire d'effort. Voilà. Parce qu'elle a pas le temps aussi. Mais eh ben nous, on a pris le temps d'acheter du jus d'orange. Bah oui. Romain, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, Romain. Le centre d'accueil des hommes est là pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Manu. T'en prie. En fait, le problème, c'est que je me suis fait gronder parce que j'ai laissé traîner la paire de chaussures de ma femme qui était toute neuve. Et le chien, comment te dire, elle en a fait son casse-croûte, elle les a dévorées, quoi. Oh. Ah. Ah. Ouais. Et tu t'es fait gronder parce que le chien mangeait ses chaussures. Ouais. Voilà, mais pourquoi grosse, mais pourquoi elle te gronde? Mais c'est, elle te gronde toi, c'est pas de ta faute. Bah non. C'est ouais, mais qu'est-ce que tu veux, le chien est plus gentil que moi, donc forcément. Ah là, c'est mon trinque. Là, Romain, effectivement, si le chien est plus gentil que toi, là, t'as un problème. Hein. C'est les femmes, il faut trouver un bouc émissaire, tu vois. Elle peut pas punir le chien, du coup, voilà, elle punit son mari, quoi. Oh là là. Voilà. On est avec toi, Romain. Ouais. C'est gentil, merci. Je t'en prie, courage à toi. Si le chien passe avant toi, qu'est-ce que tu gonfles? Kevin, bonjour. Salut Manu, salut Romain. Bienvenue sur LRG, Kevin, on t'écoute, tu t'es fait gronder toi aussi. Oui, Manu, je me suis fait gronder parce que hier, en rentrant du travail, je me suis dit je vais passer l'aspirateur rapidement parce que j'étais pressé par le temps, je devais aller chercher le petit à la crèche, du coup je passe l'aspirateur vite fait. Et ma femme, en rentrant, m'a grondé parce que je l'ai pas passé, je l'ai passé trop rapidement, j'ai pas fait les coins, j'ai pas fait en dessous de la table, du coup ça va pas et je me suis grondé. Je comprends, Kevin, je comprends. Voilà. Le fameux t'as pas fait les coins, mais à quel moment tu vas dans les coins? Ah ouais. Je suis désolé. On ne va jamais marcher dans les coins. Ouais. On ne va jamais s'asseoir dans les coins. C'est pas grave. Manu, c'est pas une raison pour pas faire les coins. Ça se voit. On voit des touffes de poussière, des moutons partout. Alors excuse-moi, si t'as des moutons chez toi, il y a un problème. Alors excuse-moi. C'est pas chez moi. Et puis ton enfant aurait attendu seul dans la rue et t'aurais dit non, mais je faisais les coins. Voilà. Non, exactement. C'est ça. Je me suis fait engueuler parce que je suis arrivé en retard à la crèche. Alors j'ai dit à ma femme qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le petit ou je passe à ce terrain? Mais t'as raison, Kevin. Tu sais quoi? Merci. Et après, le problème, c'est que Kevin, il va avoir plein de trucs dans la tête. Il saura plus quoi faire. Il va aspirer son enfant. Il est où le bébé? Oh merde! Alors tu vois? Le filtre. Bah exactement. Merci de nous avoir appelé, Kevin. Sur Twitter, il y a Xavier qui dit: ma femme m'a grondé parce qu'elle se trouve bof sur une photo que j'ai postée. Oh les gars. Ah mais évidemment, mais à chaque fois, on doit vous demander est-ce que je peux la poster? Est-ce que ça prend trop de temps? Ouais, Marc sur Twitter qui dit: j'ai commandé une pizza avec du chorizo et elle aime pas ça, du coup elle pouvait pas m'en piquer, elle m'a grondé. Alors là c'est bien compliqué. C'est qu'on doit choisir maintenant notre plat pour savoir si vous allez pouvoir nous piquer dedans. On marche sur la tête là. Mais tout à fait. Incroyable. N'oubliez pas, le 17 novembre on manifeste. Julien, bienvenue sur Énergie. Salut Manu, salut Léo. Alors Julien, on t'écoute, tu t'es fait gronder toi aussi? Ouais, alors moi je me suis fait gronder parce qu'en mettant la table, j'ai inversé le couteau et la fourchette. Ah, t'as mis le couteau à gauche et la fourchette à droite? Eh ouais. Il y avait bien le couteau et la fourchette, mais pas dans le bon sens. Oh là là. Non, mais ça veut dire. C'est quoi? Ça veut dire qu'elle cherche n'importe quel prétexte. Ouais. Là, vraiment. Là, vraiment. Parce que l'effort, franchement, était là, hein, de sa part, hein, de déjà mettre la table. Non, mais c'est déjà très, très cool. Oui. Et désolé, mais Julien ne ralentit pas le monde. Hey. Non. J'irais même plus loin. Julien a essayé d'accélérer le monde. Ouais. Il a mis la table. Qu'est-ce qu'elle préfère? Elle préfère qu'il lui jette une cuisse de poulet par terre? Oh là là. Hein? C'est ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu lui mettes des épluchures dans la cour? C'est ça? Et ensuite, elle va pondre des œufs comme une poule? Mais ça devient grotesque. Et oui, centre d'accueil des hommes est là aussi pour ça. Julien, merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Je t'en prie. 6h24. Nous allons revenir dans 5 minutes, les amis. Soufflons un peu. Je me sens pas bien. Ouais. À tout de suite. Manu. Manu et les ouais, on vous aime. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Énergie. It music only. Et si on parlait Renault Service? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voir conditions sur Renault.fr. Leclerc. Philippe, regarde, pour le Noël des petites de Régis, t'as vu ce jouet là? Quoi, la poupée? C'est un poupon d'éveil interactif. Regarde, parfois il est malade et t'as un kit complet pour le soigner vraiment. Le stéthoscope, les médicaments, le thermomètre. Et en plus, il y a 15 euros de ticket Leclerc. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, le poupon Chicho Bello Bobo est à 67,90€, dont 13 centimes d'éco-participation. Avec en plus 15 euros en ticket Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Super idée ça pour Noël. Et avec 15 euros de ticket Leclerc. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'Occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59€ par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. Look.

une japonaise devant la Toyota Prius, suivie de deux Honda. La première française, la Peugeot 2008, est sixième. Un nouveau bilan contrasté, encore une fois, aucun club français n'a réussi à décrocher une victoire cette semaine en Ligue des Champions de foot. Après la défaite de Monaco et le nul de Paris mardi, Lyon a été repris en fin de match hier à domicile contre les Allemands d'Offenheim. De partout, après avoir pourtant mené 2-0 à la pause, les Lyonnais restent de loin les mieux placés pour la qualif en huitième. Ce soir, on suivra l'Europa League avec notamment Lazio de Rome-Marseille à 18h55. Ils seront à Cannes samedi pour fêter la 20e cérémonie des Energy Music Awards. Semaine très chargée pour les Britanniques de Muse qui se préparent à dévoiler leur 8e album Simulation Theory de demain. De la pochette aux instruments en passant par les clips, le groupe nous embarque dans un univers très rétro bourré de références aux jeux vidéo des années 80. Une idée du chanteur et guitariste Matthew Bellamy qui assume totalement son côté complètement geek. Je me tiens constamment au courant de ce qui se passe dans le monde, dans l'actu et en matière d'innovation. On invente chaque jour de nouvelles technologies et j'aime réfléchir à l'impact qu'elles auront sur nos vies dans les prochaines années. Dernièrement, j'ai passé pas mal de temps dans la Silicon Valley à discuter avec des ingénieurs qui imaginent le monde de demain. J'ai eu des échanges passionnants avec eux et certains sont en train de développer des choses incroyables. Ce qui se passe là-bas, c'est de la pure science-fiction. Voilà, une interview signée Morgan Barthélémy. Muse également nommé parmi les groupes de l'année aux Energy Music Awards. Ils passeront par Paris, Marseille et Bordeaux en tournée l'été prochain avec Energy. Ouverture de la billetterie la semaine prochaine. 6h32, c'est la fin de ce flash. Jeudi 8 novembre, bon réveil avec Manu dans le 6-9. Bonne journée. Soyez les bienvenus sur Énergie, il est 6h33, juste après Vita et Slimane, c'est les sondages du matin qui arrivent. Une personne sur 10 l'a déjà fait dans un bar sans s'en rendre compte. Oula, ouais. Ok. Attention, c'est important, le sans s'en rendre compte est important. Ok. Je vous dis pas pourquoi, parce que si je vous dis pourquoi, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc forcément, ça niquerait le sondage. Ok. Une personne sur 10 l'a déjà fait dans un bar sans s'en rendre compte. La réponse à la question, c'est quoi? Eh bien, c'est dans 5 minutes. Avant ça, j'ai une autre question. Quelle est la chose ou une des choses que vous avez apprise un peu tardivement, limite à un âge où vous dites ah, c'est quand même gênant de le savoir à cet âge-là. Je vous pose la question parce qu'elle a été posée sur un forum sur internet et j'ai quelques réponses. J'ai appris à 27 ans que les femmes faisaient pipi par un autre trou. Alors je vais vous dire la vérité, en tant qu'homme, je l'ai appris assez tard, ça. Sérieux? C'est pas non plus à 20 ans, mais je l'ai appris tard. Et quand je l'ai appris, je fais waouh! Et tu foutais quoi en cours d'anatomie au collège? Alors honnêtement, en cours d'anatomie au collège, je faisais pas mal de morpions. Je vais dire un truc, je te prends quand tu veux à la bataille navale. Un autre, j'ai appris à 33 ans que les ananas ne poussaient pas dans les arbres. Soyez honnête. Franchement, si je vous avais dit où est-ce que poussent les ananas là? Ouais. Non, moi je l'ai appris très tard parce que j'ai vu des ananas pousser. C'est comme ça que je l'ai appris. Je l'ai vu lors d'un voyage. Ah d'accord, t'as vu. Ah c'est des ananas. Et t'as dit, au début tu t'es dit ils sont tombés de l'arbre? Non, je les ai vus, il y avait une branche comme ça, j'ai fait une photo Statue de la Liberté avec un ananas au bout. Moi Manu, je l'ai appris grâce à toi hier en fait. Quand t'en as parlé, je me suis dit ah ouais c'est bizarre. J'en ai pas parlé hier. Mais si t'as parlé d'un ananas hier. Moi j'ai regardé dans Google en fait et je savais pas. C'était une fleur. Parfois Isabelle, je comprends rien. Je suis passé à autre chose. J'ai appris à 23 ans qu'il fallait de l'eau pour faire un œuf dur. Oula. Non. C'est-à-dire que jusqu'à 23 ans, comment tu faisais les œufs durs? Bah oui. C'est bizarre. Bah, ils faisaient cramer des coquilles, non? Ils faisaient brûler. Il y a eu 2-3 incendies à cause de lui. Mais depuis qu'il a 23 ans, ça va mieux. Quelle est la chose que vous avez apprise un peu tardivement, un peu très tard, un peu peut-être trop tard? 0-870-42-48, vous pouvez nous appeler. Vita et Slimane tout de suite et juste après, c'est les sondages du matin. Bon réveil, bienvenue parmi nous, on démarre la journée ensemble, c'est Manu dans le 6-9. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire, quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire, quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux quand t'es pas là. quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là, quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Bienvenue sur Énergie, il est 6h38, je me régale d'avance. Avant 7h, on va écouter... Bam, tic à la bam, boum. Et les Namekins. Later, bitches. Ah ouais. Ah, on va chanter, je vais vous pouvoir la journée. Avant ça, 6h38, voici les sondages du matin. Comme chaque jour, j'ai les sondages pour vous. Et c'est le matin, d'où le nom, les sondages du matin. Bravo. Ouais. 35% des femmes disent avoir déjà fait ça la nuit. Qu'est-ce que vous avez déjà fait la nuit, Paulette ? Du somnambulisme ? C'est... Non, 35%, c'est beaucoup quand même. Bon, bah, imagine tout le monde en même temps, ça fait beaucoup de monde qui se croise la nuit quand même. Hein. Nico, non, manger ? Manger ? Non. Oh. Non. La nuit, c'est en dormant, quelque chose qui est en dormant ? Alors oui, c'est en dormant. Un A. Un rêve un peu coquin du coup. Ouais. Mais complètement. Ah. 35% des femmes disent avoir déjà fait la nuit un rêve érotique avec une star. Ah, c'est possible. Avec une star. Ah d'accord. Je pose la question. Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous faites partie des 35%, Paulette? Ouais, avec Joey Star. Oh, oh. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais en plus, je l'assume totalement, c'était un fantasme à l'époque. Là, c'est un peu passé. Ça va mieux. Oh, d'accord. Et c'était bien? Bah ouais, je lui dis bravo, vraiment. Il est content. 14% des gens n'ont jamais lavé ça eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais lavé eux-mêmes, Nico? C'est un truc dans ta maison ou pas? C'est pas dans ta maison. Non. Ah, Isabelle? Je sais pas. Je sèche. C'est un vêtement qu'on porte? Non, c'est pas un vêtement. C'est dans le jardin? Non, c'est pas dans le jardin. Ah. Mais c'est un truc à toi, quoi. C'est un truc que tu possèdes. Oui, c'est un truc que tu possèdes. L'écran d'ordinateur au bureau? Il y a toujours une personne qui passe. L'écran d'ordinateur au bureau, pas du tout. Non, c'est dehors, c'est dans la rue. 14% des gens n'ont jamais lavé eux-mêmes leur voiture. Ah ouais. Ils la lavent au rouleau, ils la mettent dans les rouleaux. Ouais. Bah, c'est nul. Attends, le Karcher, c'est quand même la vie, quoi. Ah. Le Karcher, c'est pas la vie. Ouais. Le Karcher, c'est Dieu. C'est chiant. Ah ouais. Et là, je m'adresse à vous tous qui n'avez jamais lavé une voiture au Karcher. Faites-le. Oh là là. Essayez. Si vous avez un Karcher chez vous, c'est génial parce que tu prends le temps que tu veux. Mmh. Sinon, vous allez à l'éléphant bleu et là, vous faites plaisir. Oui. Ah ouais, allez-y. Ce sentiment de puissance quand tu l'es là et que tu appuies sur le bouton et que. Ça sort tout seul avec la pression là. Je pourrais. J'espère qu'un jour, je me réincarnerai en Karcher. Bon, on continue. On a un dernier sondage. Une personne sur 10 l'a déjà fait dans un bar sans s'en rendre compte. D'après vous, de quoi il s'agit, Glandu? Boire dans la bière des vous du voisin. C'est pas con, c'est pas ça. Casser un verre? Non plus. C'est lié à l'alcool ou pas? Non, c'est pas lié à l'alcool. Regarder quelqu'un avec insistance. Non plus. Non. Voilà. Ah, manger un plat qu'ils n'avaient pas commandé. Non. C'est un truc que tu fais à l'intérieur du coup du bar, quoi. C'est vraiment. Alors c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Ah. En fait, hein, c'est en plusieurs parties. D'accord. Ah oui. Ouais. Là, je sais, c'est je complique les choses là. Est-ce que quelque chose que tu veux au serveur? Oui, on peut le dire. Est-ce que c'est mal? Oui. Ah, c'est mal. Ah. Écoutez bien, voilà. Une personne sur 10, sans s'en rendre compte, est déjà partie d'un bar sans payer. Mais non. Bah si. Ah. Oh, pas bien. T'es là, tu sais, tu fais pas gaffe et tu t'en vas. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais je me suis fait rattraper. Non. Glandu, alors je t'arrête tout de suite. Je sais ce qui t'est arrivé. Je vais te dire ce qui t'est arrivé. Glandu, quand on est en boîte, par exemple, à un moment, il s'en va. Avant qu'on ait payé. Mais non. Voilà ce qui mais t'est c'est arrivé. Pas vrai. Combien mais c'est arrivé combien de fois mais, ça. Mais non, des fois tu payes tes couilles, des fois je paye les miens. D'un coup, Glandu, il fait oh, je suis fatigué, je rentre. Et il se barre. Moi j'ai payé ses verres pour mon anniversaire. Mais arrêtez, on paye des tournées à tour de rôle. À tour de rôle. Bah, oui. Mais c'est quand ton tour. T'es déjà parti. C'est ça. Je suis fatigué, je vais me coucher. 6h42. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Kaiser Panda tout de suite pour vous. Bon réveil, bienvenue, c'est Énergie. Oye la fiesta di te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balcón. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere que te rumba ya la vea. Quiero un ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper. Bienvenue sur Énergie, 6h45, on va s'écouter Shawn Mendes. Ça arrive pour vous, mais avant ça, on avoue des choses qu'on a apprises un peu tardivement, un peu trop tard. Fine. Un peu trop tard. Exemple par exemple, Isabelle, on en avait discuté il y a quelques temps, a appris que pour copier-coller quelque chose dans un document, pour faire CTRL-C, CTRL-V. C'est vrai, j'avoue. Ce sont ce genre de choses où les autres se disent, mais c'est pas possible. C'est aussi pour ça qu'on est des moins moins. Ouais. 0870-42-48, vous pouvez nous appeler. Nico, moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai appris il y a 6 mois quand même à fermer l'AC. Hein. C'est dingue. Ouais, c'est vrai. C'est ma femme qui m'a coaché quoi pendant longtemps. Oh là là. Parce que comme je suis gaucher, en fait, j'ai jamais vraiment appris. Non, mais c'est pas une excuse. Ça, mais, le... non, mais... Y a si. Pas... mais non, c'est pas parce que t'es gaucher que tu sais pas faire des lacets. Oui, mais je sais pas, je le fais pas dans le même sens. Je le faisais pas dans le même sens que vous. Et maintenant, j'ai. Alors, je mets un peu de temps, mais j'arrive à faire mes lacets. Mais c'est comme si tu disais, je suis gaucher, je sais pas écrire. Non. Ça fait mal, hein, les gauchers. Hein. Mais avant, t'avais quand même une technique pour nouer tes lacets. Ouais, mais c'était chiant. En fait, à chaque fois, j'arrivais pas à enlever les nœuds et tout. C'était compliqué. Oh là là. Quoi. Oh, la vie. Je restais bloqué dedans. Mais ça a rien à voir avec les doigts. En plus, c'est les mains. C'est un truc moteur. C'est vraiment une. T'es en train de dire qu'elle est débile. Non, mais pas du tout. T'es en train de dire que Nico est débile. Chacun. Non, mais attends, attends, attends, je dis pas que t'as tort. Hein. Je suis là, les gars. Audrey, bonjour. Coucou Manu, coucou les Wawin. Bienvenue sur Énergie, Audrey. Qu'est-ce que tu as appris un peu tard? Ah, j'ai appris à 20 ans que Porto-Cobo, c'était une ville française et pas africaine. C'est drôle, c'est drôle. Ouais. C'est vrai que Porto-Cobo, c'est vrai. Hein. Ouais. Ça peut être en Afrique. Ça sonne les vacances, quoi. Ouais. Et oui. Ils l'ont délocalisé, c'est pas possible. Eh bah, ben, écoute, je suis ravi pour toi. T'as appris quelque chose, Audrey. Merci de nous avoir appelé. Qu'est-ce que vous avez appris un peu tard, Glandu? Moi, j'ai appris il y a 2 ans seulement que faire pipi sur une piqûre de méduse, ça servait à rien. Et voilà, si j'avais appris avant, ça aurait pu m'éviter une expérience pas top. C'est-à-dire que t'as été piqué par une méduse et quelqu'un t'a fait pipi dessus? Ouais, ouais, mon cousin m'a fait pipi sur l'extérieur de la jambe. Mais est-ce que lui, il savait que ça servait à rien? Ah, ça, je sais pas, mais s'il le savait, c'est vraiment. Alors, c'est vraiment c'est un salaud. Qu'est-ce que vous avez appris tardivement, Isabelle? Moi, je viens d'apprendre qu'on met toujours le côté plat de la pile du côté du ressort. Parce que en fait, je savais pas, c'était pas clair dans ma tête. Donc à chaque fois, je regardais le petit dessin et je perdais énormément de temps. Parce qu'en général, tu parles des petites piles, ok, ouais. Toi, tu regardais le plus et le moins. C'est ça. Et tu te dis pas que la face plate, le moins, c'est toujours dans le ressort. Ah, c'est énorme. Et maintenant que je sais que je gagne du temps, c'est merveilleux, quoi. Effectivement, c'est énorme quand t'as 7 ans. Ouais. Parce que comme tu dis, effectivement, il y a un schéma et après il y a pas de surprise, quoi. C'est toujours la même chose. Hein. Bah, j'avais jamais remarqué. T'avais jamais remarqué que c'est toujours dans le même sens. Bah non, ouais. Bah non. Alors je te rappelle un truc. Pour la circulation, c'est pareil. On roule toujours à droite. Et quand le feu est rouge, on s'arrête toujours. Benoît, bonjour. Oui, bonjour Manu. Bonjour les Wawin. Benoît, bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que t'as appris il y a pas longtemps? Alors moi, j'ai appris à 26 ans qu'un whisky on the rocks était un whisky glace. Hein? Mmh. Effectivement, mais alors tu pensais que c'était quoi au départ, un whisky on the rocks? Ben, un whisky servi sur un petit rocher, sur un plateau. Ben, c'est bien connu, souvent quand on est en boîte, on voit des mecs arriver avec des rochers. Ouais, c'est ça. Et juste en haut du rocher, il y a un whisky. C'est le whisky on the rocks. Voilà. Merci de nous avoir appelé, Benoît. Belle journée à toi. Paulette, qu'est-ce que tu as appris dernièrement? Alors, moi, c'était il y a 2 ans, j'ai appris qu'il y avait des peintures spécifiques selon la matière que tu vas peindre, genre le bois, le fer, la tapisserie, etc. Ouais. Et j'ai repeint, en fait, j'avais repeint mon salon avec de la peinture pour fer. D'accord. Et le mur s'est frité. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette peinture? C'est nul. J'y suis allée, je me suis énervée contre le mec. Il m'a dit, mais vous êtes stupide. Je suis content que ce soit pas nous qui le disions. 6h49, Shawn Mendes tout de suite sur Énergie. À 7h05, on double de salaire. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Bienvenue sur Énergie, dans même pas 15 minutes, c'est peut-être vous qu'on va appeler en direct. On va doubler votre salaire, ça va se passer à 7h05, il suffit de vous inscrire, énergie.fr ou malu dans le 69.com. Ouais. Mais avant ça, on va écouter Calvin Harris, mais avant ça, nous allons parler d'infidélité. Ah. Et aujourd'hui, trucs et astuces pour être infidèle. Oh bah non, Manu, ça mais va pas, ça va. C'est quoi là. Ce truc? T'as un plomb hein, ce matin. C'est quoi cette info? Si tu veux pas l'écouter, sors du studio, vas-y. Ok, bah je m'en vais. D'accord. Alors, j'ai trouvé une liste. Écoutez bien. Ce sont des alibis, et les alibis les plus donnés, hommes comme femmes, pour une infidélité. Ah. Ce qui veut dire que vous allez savoir, peut-être, s'il y a un souci chez vous. Ouais, c'est-à-dire que si on entend une excuse que la femme nous a donnée, Écoutez, voici la liste des alibis les plus donnés chez les personnes infidèles, hommes et femmes. Mmh. J'ai une réunion de dernière minute ce soir. Ah. Ça marche toujours. Pardon ? Non, ça marche toujours parce que souvent, le partenaire connaît pas les collègues de bureau. Donc ça c'est facile à masquer quoi. Tu voulais dire un truc ? Pas du tout. Bah, pour nous, par exemple, ça marche pas du tout quoi. C'est-à-dire que nous, on travaille le matin et encore, est-ce qu'on travaille vraiment ? Réunion. En revanche, nous, le fait qu'on soit là tous les matins, c'est-à-dire que si quelqu'un veut nous tromper, il n'y a pas de problème. Il écoute la radio, c'est bon, on y va. J'y avais jamais pensé. Ah bah moi, j'y ai pensé. Hein. On continue dans les alibis les plus donnés pour les personnes infidèles. Ouais. Je vais chez ma meilleure amie, elle vient de se faire plaquer. Ah ouais, c'est donné dans les excuses. Ouais, ça marche pas. Ma meilleure amie est à l'hôpital, je dois passer chez elle nourrir le chat. Oh, ça c'est chaud ça. Oula. Elle va vraiment nourrir le chat. C'est dégueu. Les alibis les plus donnés, hommes comme femmes, pour une infidélité. Je viens de recevoir un SMS, je dois retourner au boulot, boucler un dossier. On y croit le boulot. En fait, c'est toujours le boulot et la meilleure amie ou le meilleur ami, parce que tu peux appeler, ils dénonceront pas. Alors, il y a autre chose aussi, apparemment, ça c'est plus les femmes, je vais faire les soldes toute la journée. Ah ouais. On vous croit ? Oui, c'est crédible. Moi je ferais jamais ça, je préfère faire les soldes. Et puis en plus, nous les hommes, on verra jamais ce qu'elle a acheté quoi. T'sais, on remarque pas si elle a acheté une nouvelle. Oui, c'est vrai. C'est votre meilleur alibi celui-là. Ouais, si vous voulez un conseil pour tromper, allez-y. Non, merci Manu, tout va bien. Je vous en prie. Les alibis les plus donnés pour les gens infidèles, il y a aussi je pars en séminaire avec le boulot. Là, c'est pas un alibi, c'est pour ça que les séminaires existent. Il y a aussi je suis en panne, je vais devoir passer la nuit ici. Ah ouais, non. Là, c'est chelou, quoi. Moi, j'envoie une dépanneuse, hein. Et un petit dernier, je vais à la salle de sport pendant 2 heures. Qui va à la salle de sport pendant 2 heures? Là, c'est sûr, tu te fais gauler, hein. 6h54, bienvenue sur Énergie, on double votre salaire dans 10 minutes, et tout de suite, c'est Calvin Harris. Are you drunk or no? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. Everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling. Calling for you. I need someone to do the things that I do.

En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Thomas demande à l'accueil du magasin. On gagne quoi avec les tickets d'or ? Des euros carte U. 3, 5, 10, 15, 250 euros à verser sur votre carte U. Il suffit de gratter votre ticket remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 ? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. Commerçons autrement. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 11 novembre, profitez de 20 euros offerts en bon d'achat par tranche de 100 euros pour l'achat d'un PC, d'un téléphone, d'une tablette ou d'un accessoire. Ce sont les ultra connectés qui vont être contents. Mais aussi les fans de bons plans. Conforama, conditions et liste des magasins ouverts le 11 novembre sur conforama.fr. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. Juste après les infos, on va doubler votre salaire, on va s'écouter The Prince Karma, et puis c'est le retour de Georges aussi dans une petite dizaine de minutes, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Pas mal de brouillard encore ce matin. Ça devrait se dissiper assez vite au lever du jour pour laisser place aux éclaircies sur la majorité des régions. Du soleil même au menu pour la Normandie, les Hauts-de-France en principe. Le ciel sera beaucoup plus nuageux sur l'Auvergne, la Bourgogne ou encore les Pays de Loire. Les températures max aujourd'hui comptaient 11 degrés à Sedan, 13 au Mans, jusqu'à 18 pour Toulon. Marseille lundi, Charleville-Mézières hier, un nouvel immeuble vétuste s'est effondré dans le Grand Est. Personne n'a été blessé, heureusement. Dans le centre-ville marseillais, les secours ont dû stopper les recherches cette nuit pour raisons de sécurité. Un sixième corps a été retrouvé sous les décombres des deux bâtiments effondrés. 1% des primaires, 6% des collégiens, jusqu'à 10% des lycéens. Les victimes sont nombreuses. Jeudi 8 novembre, journée de lutte contre le harcèlement à l'école. Entre ados, on est parfois méchant et violent. Phénomène aggravé d'ailleurs par les réseaux sociaux où tout peut se passer en ligne avec parfois des drames à l'arrivée. Il existe un numéro pour parler, se confier et recevoir des conseils en cas de problème, c'est le 30-20. Pour authentifier votre achat, veuillez saisir ce code. Message que tous ceux qui paient avec leur carte de crédit sur Internet ont reçu au moins une fois. Message qui ne devrait bientôt plus exister. L'Europe considère en fait le dispositif comme dépassé. Les banques sont donc priées de bien vouloir trouver un autre dispositif mieux sécurisé pour septembre 2019. La révolte des Gilets jaunes, ce mouvement contre les prix à la pompe qui prend de l'ampleur. Des blocages, des opérations escargots sont programmés un peu partout en France le samedi 17 novembre. Certains policiers sont solidaires puisqu'un syndicat de forces de l'ordre appelle à une journée sans PV pour marquer le coup. Une année noire ou presque pour nos clubs français, ça ne marche pas en Ligue des Champions. Décidément, Lyon, pourtant bien parti hier à domicile, en menant 2-0 à la pause, n'a pu faire mieux qu'un match nul de partout. C'était face aux Allemands d'Offenheim. Les Lyonnais restent en tout cas bien placés pour la qualification en 8e. L'Europa League ce soir, notamment un match, une affiche Marseille à Rome face à la Lazio à suivre dès 18h55. Le palmarès des Energy DJ Awards. La cérémonie avait lieu hier soir à Monaco. Elle aussi a récompensé les artistes que vous avez choisis, pour lesquels vous avez voté. Martin Garrix a ainsi reçu le trophée du DJ international de l'année, celui du duo de l'année pour sa collaboration avec David Guetta. Marshmello a été sacré révélation. Kungs, DJ francophone, petit biscuit performance live de l'année. L'événement est à revivre en photo et vidéo sur les réseaux sociaux d'Energy ce matin. C'est assez rare en France pour être souligné. Une avant-première mondiale se déroule chez nous ce soir. Le casting complet des Animaux fantastiques, les contes de Grindelwald est attendu à Paris aujourd'hui. Johnny Depp, Eddie Redmayne ou encore Jude Law fouleront le célèbre tapis rouge. Le spin-off d'Harry Potter, lui, sortira la semaine prochaine chez nous. 7h04, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée. On est le jeudi 8 novembre et comme chaque matin, vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne journée. Comme chaque jour, on démarre la journée ensemble. Soyez les bienvenus. Il y a Georges Ezra qui arrive. On va s'écouter The Prince Karma. Et dans 10 minutes, retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle des gens avec des messages automatiques. Et aujourd'hui, Georges va appeler quelqu'un pour lui dire que sa commande d'objets du fan club de Johnny Hallyday est arrivée. Ah ouais. Mais il est tombé sur la personne qui aime le moins Johnny Hallyday en France. C'est con. Ça arrive pour vous dans 10 minutes. Tout de suite, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire. Vous pouvez utiliser l'application Manu dans le 6-9. Il y a aussi évidemment énergie.fr. Et c'est gratuit. Chaque jour, 7h05 et 8h05, on vous appelle. Il suffit d'être sélectionné, c'est un tirage au sort. Et aujourd'hui, c'est Justine qui a de la chance. Ouais. Elle habite Paris, elle a 30 ans et elle touche 1432 euros chaque mois. Justine, c'est parti, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Attention. Décroche, Justine. Allô ? Allô, c'est Justine ? Oui. C'est Justine de Paris ? Oui. C'est où Paris ? Justine, c'est pas quel très loin. Justine, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? Manu dans le 6-9 ! C'est gagné, Justine ! Mais non ! Bah c'est si ! C'est vrai, pour de vrai ? Bah oui, c'est vrai, pour de vrai. Merci Manu, merci à toute l'équipe, c'est trop bien. Bah je t'en prie. Alors je ne le fais pas pour de faux, hein. Je le fais pour de vrai, Justine. C'est trop fort. 1432 euros x 2, ça fait 2864 euros qui arrivent très vite pour toi. Super, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, c'est génial. Franchement, merci, merci pour tout ce que vous faites le matin, pour la bonne humeur. Ah, oh, je reviens pas, c'est trop bien, merci beaucoup. C'est quoi, j'aime bien Justine quand on commence à me remercier plus que les pompiers. C'est là où je me dis c'est cool. Bon, tu vois. Justine, tu es fromagère. C'est ça. Alors, tu fais le fromage ou tu vends le fromage ? En fait, on sélectionne et on vend le fromage. J'ai pas encore la cave d'affinage, donc Alors, comment ça s'appelle, le mec ? Parce que quand on va, par exemple, chez un fromager, c'est pas lui vraiment qui fait le fromage. Lui, il fait que le vendre. Mais du coup, comment s'appelle le mec qui fait le fromage ? Bah, c'est l'affineur. Ah, oh, ça s'appelle un affineur. Ok. Et celui qui prend le lait de la chèvre pour faire le fromage ? Le fermier. Ok, ah oui, le fermier. Donc, au départ, imaginons, il y a la brebis. Le fermier va prendre le lait de la brebis, ok ? Ou de la chèvre. Hein. Bon, bref, il prend le lait. Ensuite, il prend le lait. Lui, c'est le fermier. Ensuite, il le file à qui, ce lait ? Alors, bah, soit c'est un produit fermier, il le travaille lui-même, il va le faire affiner, il va le faire fermenter. Ah. Et ensuite, il va le travailler, il va le mettre en cave d'affinage ou il va le laisser juste sécher. Justine, pardon, je regrette ma question. Passons à autre chose. Passons à autre chose, à quelque chose qui va intéresser tout le monde évidemment. Quelle est ta position sexuelle préférée ? Mais non, mais vas-y, t'as tout gâché, on allait apprendre un truc là. Ah bah franchement. Ouais, c'est vrai, en plus, beaucoup plus intéressant que ma position sexuelle. Mais non, c'est peut-être la position de l'affineur. Je ne sais pas. Nico ? Non, moi j'ai une question plus basique sur le fromage, mais Justine, est-ce qu'on peut manger toutes les croûtes du fromage ? Oui. Franchement, oui, mange-les toutes. Il y en a qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais si tu kiffes manger les croûtes de fromage, mange les croûtes de fromage. Alors, même style, j'ai une question. Quand il y a un peu, tu sais, on a un fromage, il est au frigo, on l'a un peu oublié 3-4 jours, et il y a un peu dessus un du truc. Blanc. Un peu du blanc. On peut le manger, ça, ou on doit couper Il n'y aura rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais pour toi, pour ton organisme. Juste au niveau des saveurs, parfois, ça altère un petit peu. Ah. Mais pourquoi tu risques pas de tomber malade D'accord. Si c'est un vrai bon fromage. Et quand j'ouvre le frigo, que j'ai oublié un fromage depuis longtemps et que je vois qu'il bouge tout seul. Là, écoute, c'est toi et ton corps. D'accord. Et la croûte, en revanche, du Babybel, ça, on... je connais pas. Je connais pas. Ah. Bah alors, la vache qui rit, c'est un fromage, Justine ? Non, pas du tout. Ah bon ? Comment ça, non, pas du tout ? Comment ça ? C'est pas un vrai fromage pour moi. Tu vas pas me contrarier, tu viens de doubler mon salaire, je vais bien. On va se faire engueuler en plus. Ah ouais. Oh là là. Tu sais quoi, c'est con, j'allais aller chez toi, du coup je vais aller à côté, chez le boucher. Bim. C'est pas grave, je sais que tu finiras par venir. Justine, on double ton salaire, 2864 euros, bravo à toi. C'est génial, merci beaucoup Manu. Eh ben merci d'être là chaque matin avec nous. Il est 7h09, ça peut vous arriver. Vous aussi, il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 6-9.com. The Prince Karma, tout de suite pour vous. Bienvenue, c'est Manu dans le 6-9. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? bitches. Bitches. Bitches. Bienvenue sur Énergie, il est 7h12. On va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Et on écoute aussi les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Vous pouvez nous envoyer, grâce à cette application, des messages vocaux. Yes. On les écoute tous. Et Nico les partage avec nous. On va faire ça dans une petite dizaine de minutes. On va s'écouter Georges Ezra. Mais avant ça, quelques infos, parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais oui. Ouais. La première chose qui se passe dans le monde, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'Alain Delon. Ah, super info. Bah oui, il a 1400 ans quand même. Non, mais il les fait pas, il les fait pas. Non, il a 83 ans. Là, là il les fait du coup. Ouais. Info télé. Ce soir sur France 2. Présenté par Élise Lucet, envoyée spéciale. Élise Lucet, l'idole de Paulette. Oui, je l'aime tellement. Alors attention, les sujets de ce soir, les passages à niveau et la protection des grenouilles stressées par l'éclairage public. Mais non. Elle aime tellement c'est les animaux. Blague. Non, c'est pas une blague. Ah, mais non, non, c'est pas du tout une blague en fait. Les grenouilles souffrent et Élise vient pour nous. Elle souffre. Mais c'est quoi le problème de l'éclairage public? Bah, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de, elles n'ont plus de vie nocturne. Mais donc non. Elles dorment plus, elles sont stressées et okay. Elles vont un petit peu partout. Alors c'est compliqué parce que d'un côté, tu dis on arrête l'éclairage pour les grenouilles car ça les stresse. Oui. De l'autre. Si on éteint l'éclairage public, on va plus les voir, donc on va plus les écraser. Donc non, mais c'est ça le truc. Non, parce que la nuit généralement elles vont vers les mares. Pourquoi elles vont vers l'éclairage alors? Il y a des éclairages à côté des mares, ça éclaire tellement qu'elles peuvent plus se reposer. Dans les Manu, je sais que les grenouilles, c'est pas une histoire d'amour. Attends, j'ai rien contre les grenouilles. J'essaie d'écouter, de trouver un moyen pour que humains et grenouilles s'entendent bien. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que, autour de toutes les mares en France, on déplace les routes et qu'on mette de l'éclairage public sur les routes, pas à côté des mares. Faut trouver un juste milieu là, peut-être que t'es un peu excessif. Non, j'essaie de le voir. Mais comme quoi, ça va peut-être marcher en fait ce soir l'émission, du coup ça a l'air de passer. Tu vois, ça crée un débat. Ça, les grenouilles et l'éclairage public. En plus, il y a un truc sur les passages à niveau. Alors là, vraiment. Élise Lucet, reportage sur les passages à niveau, franchement. Elle va pas bien en ce moment. Non. Parce qu'on a quand même connu Élise Lucet qui courait derrière les grands patrons avec son micro. Attends, elle se met au passage à niveau, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Élise? Appelle-nous, on va discuter, on va parler. Faut qu'on règle le problème. Allez, 7h15, on revient tout de suite. On va écouter Georges Ezra. Et c'est le retour de l'autre Georges. Notre Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. A tout de suite. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Coucou, c'est Lily Rose. Mon papa, c'est Manu. Et c'est pas facile tous les jours. Énergie. golden rings, but I'll give you everything. Énergie. It's music only. Souvent, comment je fais pour trouver mes sujets de reportage? C'est simple, j'écoute Manu dans le 6-9 et ça vient tout seul. Merci Manu, m'amuse. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et ce soir, Carole Rousseau, elle présente Enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc, c'est ce soir sur TMC. Wow. J'ai l'impression que Carole Rousseau, c'est toujours la même émission. Bah oui. Ah bon, oui. Il y a un paquet de gendarmes de choc en France. Hein. C'est fou, quoi. Tout le temps. Allez, 7h20, on passe à Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, c'est nous qui l'avons. Et aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui dire que le fan club de Johnny Hallyday s'est occupé de sa commande et qu'elle va être vite livrée. Le problème, c'est que Georges tombe sur quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de Johnny Hallyday. Oui, allô ? Bonjour. Bonjour. Ceci est un message automatique du fan club de Johnny Hallyday. Nous avons bien pris en compte votre commande. Ah ! Quelle commande ? 21 t-shirts Johnny, plus un lien sur une Harley Davidson, valeur 354 euros. Ah non ! Article validé. Mais non, j'avais de la vie, j'en mettrais même pas. Comment voulez-vous que je commande ? Surtout que j'aime pas Johnny Hallyday. 28 tasses à café, que je t'aime. Non mais ça va pas non ? Un lot de 8600 chewing-gum mâché par Johnny, valeur 2200 euros. Article validé. Non, non, non. Moi j'étais élevée dans les années téléphone, YouTube, tous les trucs comme ça. Si vous n'êtes pas disponible, la commande sera livrée à vos voisins. Bon non, ils ont pas commandé des conneries pareilles. À demain. Non, du tout. Ça me dérange pas de l'écouter quand il est mort, son, sa cérémonie et tout. Mais je veux dire, je suis pas une fan. Bon, écoutez, je raccroche. Au revoir. Oh la phrase, ça me dérange pas de l'écouter quand il est mort. Mais là, quand même. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Peut-être un des meilleurs. Georges, vous pouvez le réécouter, tous les écouter, les appels automatiques en podcast, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. On va s'écouter Georges Ezra et juste après, on écoute vos messages, les messages que vous nous envoyez sur l'application manudansle69. Oh, Bernadette, vous la connaissez pas, mais elle nous connaît. Ah, elle nous écoute et elle prend tout ce que tu dis, Manu, au premier degré. Très bien, Nico va nous partager ça. C'est dans 3 minutes sur LRG. Nous allons découvrir Bernadette. Ah ouais. J'ai hâte. 7h21. Bienvenue, on démarre la journée ensemble, c'est jeudi. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Bon réveil sur LRJ, il est 7h23, on va écouter Lady Gaga et Bradley Cooper, le slow du moment. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé une chanson de Lady Gaga, honnêtement. Ah ouais, elle est belle. Non mais vraiment, ça fait. Je trouvais que c'était moins. Là, elle arrive quoi. Je suis tout à fait d'accord. Là, elle est en plein changement et dans ce film, tu sais, obligé, tu tombes amoureux d'elle. Tu l'as pas encore vu le film, mais. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Absolument, Paulette, c'est une chronique bouleversante que tu nous tires là, évidemment sur un titre extraordinaire. Elle s'est cru au Festival de Cannes, Paulette. Un petit peu. Qu'est-ce qui est fou là. Je rappelle que le rêve de Paulette, c'est de faire une chronique littéraire à France Inter. Mais alors, étonnamment, ce n'est pas le rêve de France Inter, désolé. Et ben non, c'est vrai. Vous nous envoyez des messages sur l'application Manu dans le 6-9 et on les écoute. Vous nous envoyez aussi des messages sur Twitter, sur Facebook. On les lit. C'est Nico qui écoute tout, qui lit tout, qui partage tout avec nous. Et c'est maintenant. Hier, vers 8h30, on a parlé des pires cadeaux reçus ou qu'on a offert à quelqu'un. Ouais. Et on a reçu beaucoup de messages sur Facebook. Notamment Alban qui dit: j'ai offert un maillot de l'OM à mon chéri qui aime Paris. Pour moi, c'était juste un maillot de foot. Ah, mais non. J'ai déclenché une tornade. Ah ouais. Oh, mais tu peux pas faire OM Paris, elle pouvait pas faire pire. Ah, mais c'est horrible. C'est pas juste un maillot de foot, quoi. Oh la vache. Non, ah, c'est pas bien, bien, c'est pas bien quand tu sais pas. Bah, tu sais pas, bah, tu te renseignes un minimum. Il y a des clubs, il y a des supporters, il y a des couleurs. C'est une religion, quoi. Non, voilà. Docteur, vous avez créé un monstre. Il y a Benjamin aussi qui dit: mon frère m'a offert à Noël une serviette de chez Total. Oh. C'est celle que tu dois avoir pour 1 euro de plus. Là. Oui, ça, c'est génial. Ouais. Oh là là, mais tu sais que moi, mes verres coca chez moi, je les ai eus comme ça. Non. Ouais. Tous mes verres chez moi, je les ai eus à chaque fois, tu rajoutais 1 euro quand je faisais un plein. C'est horrible. J'ai pas la serviette. Pas encore. Bon, dans les pires cadeaux reçus ou offerts à quelqu'un, il y a Alexandre qui dit 2 années de suite, ma belle-mère m'a offert le même DVD, Les Bronzés 3. Oh, c'est pas sympa. C'est vraiment quel sens. Non, je veux dire, c'est pas sympa d'avoir fait Les Bronzés 3. Un autre message de Sarah qui dit, je rêvais d'avoir un chat, mon mec m'en a offert un, empaillé. Le message est passé au moins. Oui, et puis c'est pas. C'est franchement moins problématique qu'un vrai chat. Hein. Non, mais Manu, ouais, c'est horrible. Dans ce cas, t'offres une petite peluche toute mignonne, toute douce, tu vois. C'est tout doux, un chat empaillé. Hein. Oui, moi j'avais un fourreur qui habitait en bas de chez moi à une époque et il m'a offert des animaux. Ils ont pas souffert, hein. Ils étaient déjà morts. Hein. Ouais. Et il me les a offerts. J'avais un petit castor. Paulette. Ouais. Moi je vannais en fait. Pardon. Ouais. Parce que toi, quand tu nous dis que chez toi t'as des animaux empaillés, franchement, ça m'angoisse. Moi, j'arrive chez une fille qui a un truc empaillé, je crois que je repars. Hein. Ça me imagine, tu ouvres la porte et là t'as une tête de cerf. Jamais de la vie. La seule fois où je vois des têtes de cerf, c'est dans des vieux restaurants qui n'existent plus et qui ont fermé depuis 10 ans dans une campagne avec des cerfs. Le killer, hein. Excuse-moi, fallait que je le dise. Bon, on reçoit aussi les messages vocaux. Oui. Vous pouvez nous laisser sur notre application Manu en 6-9. Et tu dis régulièrement, Manu, que le jeudi, on est déjà en week-end. Bah voilà le résultat avec Bernadette, toute mignonne. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je tenais à vous souhaiter un bon week-end, Manu et toute l'équipe. Bisous à tout le monde. À lundi. Ah mais non. C'est une blague. Non, quand je dis c'est le week-end à partir de... J'en ai marre que... Pourquoi vous prenez tout ce que je dis au premier degré? On va changer. À partir du moment, tout ce que je dis c'est de la merde, ok? Voilà, comme ça c'est clair. Voilà. Continuons. Bon, un coup de gueule en chanson, c'est notre nouveau concept. Et là on a un problème très 2018. J'en ai marre d'être en bout de ligne. J'ai pas de débit le soir. J'ai l'impression surfer dans une baignoire. Alors qu'à côté, la fibre est arrivée. C'est bien. Continuez, passez des coups de gueule, mais en chanson. C'est parfait. Ouais. Parce que tu pourrais dire, mais j'en ai marre de télécharger à 2 cas par seconde. Ouais. Vous le faites en chanson, ouais. Ça passe beaucoup mieux. Ouais, c'est très bien ça. Voilà. Ça change rien, mais c'est en chanson. Vos messages vocaux, c'est sur l'application Manu dans le 6-9. Lady Gaga et Bradley Cooper, c'est pour vous, ça revient tout de suite, juste après les infos. A tout de suite sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu, et les ouin-ouin, ouh, et le ouin-ouin. Énergie. Coué sur Énergie. Gros bisous, Marguerite. Oui, ben, au revoir. Au revoir, t'as rien à me dire? Eh merci, ben non. Non, ben non, alors. Ben au revoir. Non plus, hein, tu sais. Non plus, d'accord. Ben au revoir. Alors, au revoir. C'est pas Anne-Guillaume, c'est pas du tout la personne au téléphone. Qui c'est? Moi, je m'appelle Coé. Oh, encore? Quoi encore? Je l'ai jamais appelé. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Et voilà, encore un jour férié qui tombe un dimanche. Ah, peut-être, mais pas pour tout le monde. Bah, si. Bah non, je peux te dire que Monaco a du pain sur la planche. Essayer de mettre fin à la série de 12 victoires en 12 journées du PSG, ce sera pas de tout repos. Hein. Non, mais c'est pas ça. Non, mais rien du tout, mon petit bonhomme. Ils sont pas prêts de se tourner les pouces, les monégasques. Moi, je te le dis. Le duel AS Monaco-Paris Saint-Germain de la 13e journée de Ligue 1 Conforama, c'est dimanche 11 novembre à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Et voilà, vous nous avez élu meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes 7 fois et toujours avec le sourire. À Camélia, la plus matinale de nos clientes. À Paul, le plus tardif. Et à Alice, qui a besoin de l'approbation de tous nos conseillers avant de choisir. Merci à tous. Si nous le pouvions, Atoll vous élirait meilleur client de l'année. Et pour fêter ça, Atoll vous offre pour Noël un cadeau de grande marque pour tout achat d'une paire de lunettes. Atoll, mon opticien. Voir conditions magasin, dispositif médical CE. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron? Oui, quoi encore? Ben on a un pépin. Je suis chez Lidl, ils ont croqué les prix. Demain et après-demain, le sachet de 2 kg de pommes golden est à 1,99€. 1,99€? 1,99€ les 2 kilos de golden. Mais c'est infernal. Vous avez raison, patron, hein, c'est un prix d'enfer. Mais c'est le vrai prix, hein. Et Origine France, c'est délicieuse golden. T'as fini, oui. Eh bien, c'est bien vous qui vouliez les prix Lidl, non? Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 115-150, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos terroirs. Jusqu'au 10 novembre, le Saint-Marcellin IGP crémier de 80 grammes est à seulement 1,49€ la pièce. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Fabriqué en Isère, 18,63€ le kilo au lait cru de vache. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe chez But. Pour le déstockage, les prix sont au plus bas. Non mais venez vite voir, faut voir ça. Dernier jour du déstockage monstre chez But. En ce moment, prix sacrifié sur de nombreux produits. But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions et produits concernés en magasin sur but.fr. Pouvez-vous lire la ligne 6 Alors je vois un J et un I. Ah non, c'est un J. Aujourd'hui, c'est un grand J pour Play-Doh chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur les jouets Play-Doh de la marque Hasbro. Seulement chez Jouet Club. Jouet Club. Offre valable hors produits Play-Doh d'Arpège. Voir conditions en magasin. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h32, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On va s'écouter Lady Gaga et nous allons rentrer juste après les infos dans le petit train des questions. C'est un petit train dans lequel il y a des questions. D'où le nom. Waouh. C'est juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le brouillard encore à l'honneur sur une bonne partie du pays malheureusement ce matin. Le soleil en tout cas devrait prendre le relais assez vite. De belles éclaircies prévues sur la majorité des régions. Ce sera un petit peu plus nuageux quand même, mais assez sec en principe sur la pointe bretonne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et les températures en étant en dessous d'hier, cet après-midi France, 2 degrés à Belfort, 13 à Brest et 14 pour Albi. Un numéro gratuit, tout d'abord le 30-20, une ligne d'écoute dédiée aux victimes de harcèlement à l'école. C'est la journée nationale de lutte contre ce fléau qui s'aggrave, qui touche environ 700 000 ados en France chaque année. 1% des lycéens, 6% des collégiens, jusqu'à 10% des primaires en fait. Un phénomène amplifié d'ailleurs par les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Le dernier bilan des recherches à Marseille, une sixième victime a été retrouvée malheureusement dans les décombres des immeubles effondrés hier. Lundi donc, ces bâtiments se sont effondrés. Hier, un nouveau bâtiment, cette fois Charles Ville-Mézières s'est effondré également. Il n'y a pas eu de blessés. Deux classements, deux critères. L'Argus dévoile cette semaine un sondage sur les voitures préférées des Français. Pour la qualité, c'est Audi qui place quatre modèles aux quatre premières positions avec le Q5 en tête. Côté fiabilité, là, on retrouve une japonaise, la Toyota Prius numéro 1, suivie de deux Honda. La première française, la Peugeot 2008, n'est que sixième. Un résultat hier, une déception pour les supporters lyonnais. Leur équipe a été rattrapée dans les arrêts de jeu à domicile face aux Allemands d'Offenheim en Ligue des Champions. Deux partout, score final pour l'OL qui reste quand même très bien placé pour la qualification 8e. Ce soir, on suivra l'Europa League avec notamment Lazio de Rome-Marseille à 18h55. Il se prépare à enflammer la scène d'Energy Music Awards samedi soir. Les Britanniques de Muse reviennent en force cette semaine avec un 8e album intitulé Simulation Theory, dispo dès demain. Le groupe prépare déjà une tournée qui passera par Paris, Marseille et Bordeaux l'été prochain avec Energy. Pour le batteur Dominic Howard, ce show pourrait surprendre beaucoup de monde. Vous pouvez vous attendre à quelque chose d'assez différent. Notre dernière tournée reposait beaucoup sur la technologie, avec des drones, des trucs qui volaient dans tous les sens, des écrans géants et un décor très visuel. Cette fois, on va remettre une dose d'humanité dans nos concerts. On y réfléchit encore, mais on aimerait monter une véritable troupe d'artistes capable de créer des tableaux vivants avec toute une chorégraphie. Quelque chose de plus théâtral, avec moins d'effets spéciaux. L'idée, c'est de dépasser ce qu'on fait déjà dans certains de nos clips, dans un spectacle composé en temps réel, sous vos yeux. L'interview signée Morgan Barthélémy, Muse nommé parmi les groupes de l'année aux Energy Music Awards. Les votes sont ouverts jusqu'à demain inclus sur energy.fr. 7h34, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, jeudi 8 novembre, Manu dans le 6-9, ça continue sur Energy. Très bonne journée. Il est 7h35, soyez les bienvenus, nous sommes jeudi, c'est le 8 novembre 2018. Bonjour jeudi ! Bonjour jeudi ! Nous allons jouer au jeu des 5 mots dans 5 minutes. Vous avez envie de gagner la console de jeu de votre choix ? Personne ne va dire non. Ah non. Eh bien, il suffit de nous appeler maintenant 0 870 42 48. On va jouer juste après Lady Gaga et Bradley Cooper. Et avant ça, attention, je voulais annoncer, nous allons rentrer dans le petit train des questions. C'est un petit train dans lequel on rentre et dès qu'on rentre dedans, il y a des questions qui tombent. Ouais. Je vais vous donner les 3 questions du petit train des questions et je vous laisse ensuite un quart d'heure, le temps de nous appeler pour réfléchir, trouver des réponses ouais. et on vous prend au téléphone après. Ok. Première question du petit train des questions. Question pour les hommes. Mm-hmm. Ouais. Quelle est la petite chose que vous trouvez séduisante, sexy chez une fille, mais en fait les filles ne s'en rendent pas compte a priori. Ah ouais. Vous, ça vous fait craquer, vous dites « Oh c'est tout mignon, oh c'est sexy ». Et en général, les filles, elles le savent pas. Ouais, et ça va nous perturber de le savoir. Après, on va peut-être faire un truc ou changer quelque chose sur nous. Ouais. Bah oui. D'accord, passons. Deuxième question du petit train des questions. Sur quoi allez-vous juger une personne en seulement quelques secondes ? Sur quel petit trait physique, psychologique ? En quelques secondes, bim, vous jugez une personne. Ouais. Ça peut être bien ou mal. Hein. Ouais. C'est, peut-être que même vous vous dites, oh, je devrais pas la juger là-dessus quand même. Mais, ah bah vous jugez. Okay. Et enfin, dernière question. Quelle est la chose la plus étrange, la plus bizarre, voire la plus horrible que vous ayez faite dans un jeu vidéo ? Ah bah dans les jeux vidéo, on peut faire plein de choses qu'on peut pas faire dans la vie. Ouais. Jusqu'où êtes-vous allé ? Qu'avez-vous fait ? N'ayez pas honte, on a fait tous les mêmes choses. Ouais. 0870 42 48, vous nous appelez. Les hommes, quelle est la petite chose que vous trouvez séduisante, sexy chez une fille, mais elle ne s'en rend pas compte ? Sur quoi allez-vous juger une personne en seulement quelques secondes ? Et quelle est la chose la plus que vous ayez faite dans un jeu vidéo ? 0870 42 48, vous nous appelez. On joue au jeu des 5 mots en 3 minutes, juste après Lady Gaga sur Energy. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll for change. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. Fear myself. Sky sur Énergie, il est 7h40, on va s'écouter Dadju. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ça arrive dans 3 minutes, mais avant ça, nous allons vous offrir la console de jeu de votre choix. Nous allons jouer au jeu des 5 mots. Clément, bonjour. Salut Manu, salut Wawa. Salut. Coucou. Bienvenue sur Énergie, Clément. Attention, nous avons pour toi la console de jeu de tes rêves. Et c'est quoi ? La PS4 Pro. Eh bien, elle arrive pour toi dans quelques secondes. Clément, si tu gagnes au jeu des 5 mots, pour te faire gagner, pour jouer avec toi, Paulette sort du studio. Ouais, super. Ah. Attention. Allez, Paulette. Allez, Paulette. Allez, Paulette. Attention, la porte est fermée, elle est dans le couloir, elle n'entend plus ce qui se passe. Les règles, Clément, je te les rappelle, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Paulette. Je fais pareil avec elle. Et si vous avez un mot en commun, un seul mot, ça suffit. Et ben, c'est gagné, la PS4 Pro, elle arrive chez toi. Ok ? D'accord. Ok. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Bruit. Son. Coin. Maison. Sort. Magie. Mot. Lettre. Nœud. Lacet. Bien. Wow. Je crois beaucoup à nœud lacet. Grave. Ouais. Mais oui. Ouais. Attention, franchement Clément, c'est pas mal. Ouais. On fait revenir Paulette et c'est là que ça se complique. Oh non, non, arrête. Attention. Rien du tout. Va bien. Paulette est de retour. Clément, ouais. Un mot pour encourager Paulette. Allez Paulette. Allez Clément, bon, j'y crois c'est, moi. C'est pas le cri de guerre le plus original. Ouais, c'est ça. Non, c'est simple. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Un mot en commun et la PS4 Pro, allez, je prends Clément. Bruit. Sonore. Dommage, c'était pas loin. Son. Oui. Ah mince, ouais. Je l'ai dit en deuxième. Clément avait dit son. Oui, effectivement, mais la règle du jeu, c'est en fait, c'est le premier mot qui compte. Ouais, ouais. Il reste 4 mots. Coin. Pièce. Ah, dommage. Ouais. Clément avait dit maison. Ah. Ouais. Il reste 3 mots. Allez, allez, allez. Sort. Sorcière ? Non, c'est le même racine, sort, sorcière. J'ai dit sorcière. Ça va. Ok, bah d'accord. Sort et sorcière. Concentration, c'est pas ça. Non, allez, bah non, c'est pas ça. Bah, voilà. Clément avait dit magie. Là, je me concentre. Ah, c'est bien. Parce qu'en fait, t'aurais dû le faire depuis le début. Hein. Allez, ça va aller, ça va aller. Clément, je suis désolé. Hein. C'est pas grave. Il reste 2 mots. Ouais, ouais. Mots. Allez, Paulette. Phrase. Aïe. Ah, Clément a dit lettre. Allez. Oh là là. Allez, dernier. Un mot. Oui. Un mot, Paulette. Oui. Nœud. Corde. Oh non. Ah non, il avait dit lacet, les nœuds de lacet. Oh. Ouais. Ah là. Ah, et tu veux une corde, tiens. Ouais. Je suis vraiment désolée, on était c'est pas grave, près c'est pas et grave. Loin en même temps. Ouais, non, vous étiez loin. Ouais. Oh, pardon. Clément, je suis désolée, tu nous rappelles quand tu veux. Ça arrive parfois, souvent sur Paulette. C'est pas vrai, j'ai une bonne statistique depuis le début. Grave. Clément, on te souhaite une belle journée. Bonne journée, moi. Ciao, 7h43, juste après Dadju. C'est le petit train des questions, le retour. 0 870 42 48, on vous prend au téléphone. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée tous ensemble, c'est Énergie. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça va l'hôtel. Il m'en veut pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis jaloux, yeah. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit, sois pas naïf. Non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Bon réveil sur Énergie, il est 7h46. Alvaro Soler arrive dans 3 minutes et dans 20 minutes maintenant, c'est peut-être vous qu'on va appeler. Si vous vous êtes inscrit sur energie.fr ou menu dans le 69.com, c'est peut-être vous qu'on va appeler en direct pour doubler votre salaire. Avant ça, vous avez entendu le tchou-tchou ? Ouais. C'est le petit train des questions. Il y a 20 minutes, je vous ai... Même pas 20 minutes. Enfin bref, on s'en fout. Bref, il y a 15 minutes, je vous ai posé 3 questions. Les 3 questions du petit train des questions, vous avez eu le temps de nous appeler au 0870 42 48 pour y répondre. C'est parti. Les hommes, quelle est la petite chose que vous trouvez séduisante, voire sexy chez une fille, mais en fait les filles ne s'en rendent pas compte. Nico. Une fille qui a les dents pas droites. Ah oui. C'est le cas de ma femme, j'adore ça quoi. Ah okay. Ouais. Elle a les dents du bas qui sont complètement. Elles partent toutes dans un sens différent. Ah oui. Ouais. Oh, c'est compliqué. J'ai remarqué. Et des fois, quand elle, du coup, j'ai jamais remarqué, mais est-ce que des fois, quand elle boit, si elle serre les dents, ça coule? Alors, je crois pas. Oh, mais non. Elle peut peut-être faire des trucs, ouais, avec sa bouche, oui. Effectivement, quand elle. Des petites fontaines. Ouais, fontaines. Ça peut être drôle. J'avais jamais remarqué qu'elle avait les dents qui partent en sucette. Mais c'est un truc, franchement, je trouve ça hyper mignon parce que c'est malgré elle, c'est un peu un complexe pour elle et je trouve ça mignon. Ah, c'est touchant. Okay. Ça marche. Ça me plaît. Quel est le petit truc que vous trouvez séduisant, sexy chez une fille? Et c'est plutôt surprenant. Damien, bonjour. Salut, salut Manu, salut toute l'équipe. Salut. Alors moi, ce que je trouve plutôt mignon, sexy et séduisant, c'est le petit grain de beauté au coin des lèvres. Mmh. Ah ouais. Non mais là, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Attention, on s'arrête avant le poireau quand même. Oh, oui. Effectivement. Bien évidemment. Il y a de la taille quoi. Exactement. Merci de nous avoir appelé, Damien. Glandu. Moi, ce qui m'excite chez une fille, c'est une fille qui boit la paille. Ah oui, là on parle dans le truc spécial. Ah non, j'aime bien, c'est une petite bouche un peu pincée comme ça sur la paille, je trouve ça tout mignon, elle aspire et tout. Non, je trouve ça trop mignon. Glandu à McDo, c'est un sex shop quoi. Ça devient gênant. Pourquoi il te regarde comme ça le mec là-bas? Je ne sais pas. Non, je suis tout seul du coup. Oui, là oui. Okay. Et vraiment, tu sais quoi, on va te laisser tout seul. Ok, nickel. Deuxième question du petit train des questions. Sur quoi, même si c'est mal, allez-vous juger une personne en seulement quelques secondes? Vous avez quelqu'un devant vous, bim, vous la jugez là-dessus. Son sourire. Savoir, tu vois, si son sourire est sincère ou pas sincère. Ah. Et vraiment, je pense que j'arrive à flairer un sourire forcé, mais à des kilomètres. Là, par exemple, là, mon sourire. C'est hyper forcé, ouais. Manu. Justine, bonjour. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Justine. Sur quoi tu vas pouvoir juger une personne en seulement quelques secondes? L'entretien des sourcils. Ah. Les sourcils? Oui. C'est quoi l'entretien des sourcils? Faut les entretenir les sourcils? Ben oui, ça s'épile et tout ça quoi. Ah, c'est propre. Ah mais chez les mecs aussi? Bah oui. Bah oui. Bah oui, mais quand même. Ah, bah, mais dans quelle planète tu vis? Mais non mais. Bah dans une planète on se fait pas chier à entretenir ses sourcils. Mais dis-moi Manu, t'as pas une petite pince à épiler quand même chez toi dans ta salle de bain? Hop pour débroussailler un peu. Bah ouais, non. Non, d'accord. Pour débroussailler, bah non, si j'ai vraiment besoin de débroussailler, j'appelle mon jardinier. Hein. Après c'est vrai toi Manu, t'as les tout petits sourcils, faut dire. T'as les petits sourcils d'enfant. Tu me juges pas. Non mais t'es pas poilu, mais non, c'est bien, t'es pas poilu du sourcil, tu vois. Ah. Non mais ça va parce que t'as les lunettes qui cachent. Ouais. Un peu les sourcils. Donc on sait pas si c'est mal épilé. Et pourquoi on discute de mes sourcils? Gênant. Laissez-moi tranquille avec cette histoire de sourcils. On va passer à la troisième question. Merci de nous avoir appelé, Justine.

avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Pas mal de brouillard ce matin, un petit peu partout. Ça devrait se dissiper en tout cas assez vite au lever du jour pour laisser place aux éclaircies sur la grande majorité des régions. Du soleil au menu pour la Normandie et les Hauts-de-France en principe. Le ciel sera beaucoup plus nuageux mais sec vers l'Auvergne, la Bourgogne et le Pays de Loire. Les températures max pour aujourd'hui comptaient 11 degrés à Sedan, 13 au Mans jusqu'à 18 pour Toulon. La loi des séries, un nouvel immeuble vétuste s'est effondré hier, cette fois à Charleville-Mézières dans le Grand Est, mais heureusement personne n'a été blessé. À Marseille, les secours ont retrouvé un sixième corps dans les débris des deux bâtiments qui se sont écroulés lundi. Il resterait au moins deux disparus ce matin. La journée de lutte contre le harcèlement scolaire, l'occasion de faire le point ce jeudi sur un fléau qui touche de nombreux élèves. Selon les chiffres officiels, 10% des primaires, 6% des collégiens, un petit peu plus d'un lycéen sur 10 a déjà été victime de moqueries, d'insultes, voire de violences. La hausse du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, par exemple, inquiète. Il existe un numéro pour parler, se confier ou encore recevoir des conseils en cas de problème. C'est le 3020, le 3020. C'est souvent comme ça, lorsque vous faites un achat sur internet, on vous envoie un petit code par SMS pour vérifier qu'il s'agit bien de votre carte de crédit. Rien de très sécurisé pour l'Europe qui demande maintenant aux banques de trouver au plus vite un autre dispositif plus performant, entré en vigueur prévu à la rentrée 2019. Vous pouvez regarder autour de chez vous, le prix du diesel se rapproche, voire dépasse de plus en plus souvent celui du sans-plomb à la pompe. La mobilisation des gilets jaunes s'organise. Donc, des blocages sont prévus aux abords de nombreuses villes le 17 novembre contre la hausse des tarifs des carburants. Un syndicat de policiers se joint d'ailleurs au mouvement en annonçant une journée sans PV. En foot, nouvelle déception pour un club français en Ligue des Champions hier. Cette fois, c'est Lyon qui n'a pas réussi à s'imposer à domicile face à Hoffenheim. Match nul de partout après avoir mené pourtant 2-0 la pause et joué 45 minutes en supériorité numérique. Heureusement, les Lyonnais restent très bien placés pour la qualification 8e. L'Europa League ce soir avec notamment Marseille en déplacement chez la Lazio de Rome à suivre dès 18h55. La semaine est bien lancée avant les NMA samedi à Cannes. Les NDA se déroulaient hier soir à Monaco. Les Energy DJ Awards, 7e édition, ont récompensé les meilleurs artistes de l'année dans le monde de la musique électro grâce à vos votes, bien sûr. Martin Garrix, DJ international, Kungs, DJ francophone ou encore le duo Calvin Harris, Dua Lipa pour le single Dance Electro de l'année ont eu droit à leur trophée. Infos et vidéos sur les réseaux sociaux de la radio ce matin. Johnny Depp, Jude Law ou encore Eddie Redmayne, le casting complet des Animaux Fantastiques, les contes de Grindelwald est attendu à Paris ce soir pour un événement à avant-première mondiale du film. Le spin-off d'Harry Potter sortira chez nous la semaine prochaine. Il est 8h03, c'est la fin de ce flash. On est jeudi 8 novembre. Vous retrouvez comme d'habitude Manu dans le 6-9 sur Énergie. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour nous. Il est 8h03, ça fait 2h qu'on a commencé l'émission et on n'a pas parlé du prix Goncourt. Bah alors, ouais. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais. Bon, on va continuer. Tu vas en parler ? Non, on va continuer à pas vous parler. Non. Je me disais aussi. Vous vraiment parler du prix Goncourt ? Non. Ah bah oui. Bon, juste un mot. Oui. Ouais. Comme ça nous donnera bonne conscience, on dira qu'on en a parlé. Ouais. Hier, c'était la remise du prix Goncourt, c'est la plus prestigieuse récompense littéraire en France quand même. Mm-hmm. Et c'est Nicolas Mathieu avec le livre Leurs enfants après eux qui a gagné. Ok. Ouais. Ouais. Autant dire que je ne connais ni l'auteur ni le bouquin. Ouais. Si quelqu'un connaît vraiment, Paulette. Non, moi je l'ai vu sur le plateau de France 2, je crois, au JT, et il est pas mal. Meilleure rubrique littéraire du monde. Il est pas mal le mec. Ah ouais. Merci beaucoup pour cette chronique littéraire. Bernard Pivot arrive en ce moment là, il a de la dynamite. Non, ce qui est drôle, c'est la récompense du prix Goncourt. C'est un chèque de 10 euros. Oh. Pour le gagnant. Ah si, ouais, si. Donc, ouais, tu gagnes rien en fait. C'est juste honorifique, quoi. Ouais. Mais ils disent, on va mettre quand même une récompense. C'est pas sympa, ils pourraient au moins lui offrir un truc, pas un abonnement à une salle de sport. Non, un truc, non, c'est pas sympa. Ouais. En plus, c'est un chèque de 10 euros, va l'encaisser, quoi. C'est chiant. Et puis les gens, en plus, ils te jugent. Oh, le mec, un chèque de 10 euros. Ouais. Putain, j'ai pris Goncourt. Allez, 8h04, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. C'est quand même mieux qu'un chèque de 10 euros. Ah ouais. De là à dire qu'on est mieux que le prix Goncourt. Avant d'écouter Big Flo et Oli, nous allons appeler Delphine. Elle habite Vénissieux. C'est dans le Rhône. Elle a 32 ans, Delphine, et elle touche 1322 euros chaque mois. Delphine, on t'appelle pour le doubler ce salaire. Attention. Allô ? Allô, Delphine ? Oui. Delphine de Vénissieux dans le Rhône. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Wow. Ouais. Eh ben, c'est fait, Delphine. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est trop bien. 1322 euros, c'est ce que tu touches chaque mois. Eh ben, ce salaire, oui, on va te le doubler. Ça va faire pour toi 2644 euros. Ah, c'est trop, trop bien. Ah bah oui, je te confirme. 2644 euros, ça en fait les jeux vidéo. Bon, je suis pas sûr que tu les... Non, moi. Oui, non, voilà. C'est pour ça, j'avais commencé la phrase, je suis pas sûr que tu les claques là-dedans. Non. Delphine, tu es prothésiste ongulaire. Oui. C'est-à-dire que c'est tu fais du dessin sur les ongles, tout ça, là? C'est ça, oui. Oh, tu es une sorte d'artiste. On peut dire ça. Et on t'a déjà demandé de faire un dessin un peu rigolo sur un ongle, genre un zizi? Oui. Oui. Oui, pour un enterrement d'une jeune fille. Ah ouais? Ah. Oh la vache. Et tu... Elles avaient toutes des zizi ou il n'y avait que la future mariée? Non, non, en fait, c'était leurs amis qui avaient organisé ça pour la future mariée et elle n'était pas au courant du tout de ce que j'allais lui faire. Ah, là, génial. Donc, la surprise, une fois qu'elle a eu les yeux débandés. Bah, ça va, c'est moins pire que si c'est chez un tatoueur, par exemple. Oui, effectivement. Oui. On te fait un tatouage. Et ton frère m'est porté pendant 3 semaines à moi. Hein. Ouais, mais enfin, le tatouage sur le front, c'est pour toute la vie. Hein. Oui. Ah oui. C'est relou pour toi, une fille, Delphine, qui se sert de son téléphone en même temps que tu lui fais les ongles? Alors, oui. Ah, ben voilà. Ouais, voilà. J'ai ma réponse. Oui, voilà. Oui, parce qu'elles sont sur leur téléphone et elles ne sont pas concentrées sur ce qu'on fait, donc on est obligé d'attendre. Voilà. Et voilà. Et voilà, Paulette. Voilà. Et le petit problème, excuse-moi, hein, oui, si tu vas chez une prothésiste angulaire, c'est donc pour les ongles. Oui. Si tu es au téléphone, ta main est sur ton téléphone. Oui. Donc elle est obligée d'attendre. Non, en fait, quand elle vernit une main, je suis sur mon téléphone de l'autre et hop, je fais bouger mon téléphone de la l'autre. Oh là. Mais pas tout le monde le fait. Technique. Ah ouais, voilà. Ah, tu sais qu'il y a des gens qui sont au téléphone et qui te disent, bah vas-y, vous pouvez le faire, je suis juste au téléphone. Bah on attend. Oh, ah non, c'est bien, ça. Non, je fais pas ça quand même. Je vais pas jusque là. Sachant qu'on a du monde qui attend à côté, c'est quand même compliqué. Mmh. Ouais. Fin de la discussion sur le donc, problème s'il vous plaît, des ongles. Arrêtez le téléphone. D'accord, Delphine, t'as levé le droit de pousser ton gros coup de gueule. Eh ben, il est passé ce gros coup de gueule. Moi, tu peux peut-être m'aider, Delphine. Je me ronge beaucoup les ongles. Est-ce que t'as une astuce prothésiste ongulaire pour arrêter? Déjà, une bonne manucure pour dégager l'ongle. Ah, mais moi, il n'a plus d'ongles, moi. Ouais, non, mais après, c'est les peaux sur le contour de l'ongle. Après, la volonté. Merci, Delphine. Delphine. Ne le prends pas mal, mais on avait déjà la réponse. Hein. Comment on fait pour être champion de tennis? La volonté. Delphine, on te double ton salaire, 2644 euros. Bravo à toi, on t'embrasse. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Belle journée à toi. 8h08, énergie.fr ou malu dans le 69.com pour vous inscrire. Les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables, arrivent dans 3 minutes sur Énergie. Flo et Oli, tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toute Des questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Bienvenue sur Énergie, on va écouter DJ Snake dans 3 minutes. Et avant ça, comme chaque jour à la même heure, voici des gens improbables qui font des choses improbables. On vous raconte leurs histoires tous les jours, ce sont les concours du jour. Ouais. Et tous les jours, il y en a. C'est génial. C'est non mais c'est incroyable. Parce qu'on pourrait se dire, c'est risqué quand même, il y a des jours, il n'y aura pas de concours. Eh ben si, le monde est si bien fait que tous les jours, il y a des concours. On démarre dans le nord de la France, deux braqueurs ont tenté de braquer très tôt le matin une banque de village. Le problème, c'est que la banque n'avait pas encore été approvisionnée en billets. Ils sont donc partis avec 16,50 €. Ah d'accord. Mais non, non. La police a réussi à rattraper un des deux. En plus, il est en prison. Oh, ils ont même pas de quoi s'enfuir en fait. C'est ça qui est horrible. Avec 16,50 €, non, ils partent. Ils peuvent pas prendre la voiture. Ils prennent le bus. À Montpellier, un homme est accusé d'avoir cambriolé une concession automobile et volé 6 clés de voiture de luxe, 600 € de tickets de cinéma et 22 000 € de tickets restaurant. Oh là là. Voilà. Comment on sait que c'est cet homme qui a réalisé ça? C'est parce qu'en fait, c'est un ancien employé qui est entré en utilisant son code de l'époque. Et son code de l'époque, c'est un code personnel que lui seul et le patron connaissent. Ah oh non. Et voilà. Ça se trouve, il est passé dans les bureaux. Ouais, salut Patrick, ça va? C'est ça. Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs voitures sont venues mettre de l'essence dans la station-service d'un hypermarché. Ouais. En ce moment, tout le monde prend de l'essence. On sait que ça va augmenter. Mm-hmm. Donc, c'est on y va. Le problème, c'est que beaucoup de voitures ont fait 100 mètres et sont toutes tombées en panne après avoir fait le plein d'essence. Ah ouais. Voilà. La raison, c'est qu'il y a eu une erreur et la cuve n'était pas remplie de gasoil d'essence, mais d'eau. Mais non. Ah non. Oui. À quel moment? Mince. Et voilà. Et l'hypermarché doit maintenant payer les réparations de toutes les voitures. Ça dit, c'est une solution pour payer l'essence moins cher de mettre de l'eau. Ah, effectivement, c'est moins cher. Ouais. Là, c'est moins cher. Mais tu roules pas. Allez, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais. Allez, 8h13, on revient tout de suite. On va écouter DJ Snake avec Selena Gomez. Et puis c'est jeudi, et le jeudi, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Wow. À qui voulez-vous dire merci? 0 870 42 48, Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9 ou l'application Manu dans le 6-9. Vous envoyez vos messages, vous voulez dire merci à quelqu'un, et bien c'est dans 5 minutes. Manu dans le 6-9. Voilà qui voit, inspecteur Manu, tu. Sur Énergie. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from a sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. You're a natural, I'm feeling hot as stone.

Mais moi, c'est jamais très long. Parce que je pense que je me détends trop, tu vois, et que je pousse des petits gémissements. Ah, c'est gênant, ouais. Mais ouais, du coup, ils arrêtent toujours, les coiffeurs. Bah, oui. Il faut que tu grognes quand même chez le coiffeur. Quelle te masse, et que tu commences à faire. Non, mais j'ai pas non plus ça. Honnêtement, vu qu'elle arrête, si. À qui voulez-vous dire merci? On a Émilie au téléphone. Bonjour, Émilie. Bonjour à tous. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Ben moi, je veux dire un grand merci à mon mari qui a enfin monté notre armoire Murat dans l'entrée après un an d'attente. Waouh! Wow. Honnêtement, c'est pas énorme, non? Hein. Oh la vache! Quand même! Oh bah quoi, moi, ouais, j'ai... Ah non, mais moi j'ai déjà eu des cartons pas déballés pendant 2-3 ans tranquillement. Hein. Ah, au bout d'un moment, le carton devient ta déco en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait pareil avec des cadres. J'avais été quand même jusqu'à Ikea, j'avais acheté les cadres, mm-hmm. Je les avais mis au mur et ouais. J'ai jamais rien mis dedans. Ah, et ouais. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est un style. Ouais, c'est oui. Cool. Exactement. Alors, merci de nous avoir appelé, Émilie. Vous voulez dire merci à qui, Nico? Merci à ma maman qui m'a épilé les sourcils hier. C'est sympa. Ah c'est ouais. D'accord. Peut-être le pouf là, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop vrai. Mignon. Bah oui, ma mère m'épile les sourcils. D'accord. Ouais, y a pas de... Une petite pince à épiler, elle est là, je m'allonge, ouais. Et elle m'épile les sourcils. Oh, c'est trop mignon, oh, moi j'adore. Je t'avoue que tu sais quoi? J'ai ouais. Eu le cœur qui a accéléré un tout petit peu quand j'ai dit merci à ma mère qui m'a épilé. Non, vraiment, il va pas le dire, il va pas dire ça, il va pas dire. Après, t'as dit les sourcils. Non, c'est cool. Ah, à qui voulez-vous dire merci, Isabelle? Moi, c'est aussi à ma maman, mais pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'elle a trié la bassine de chaussettes de toute la famille, hein, chaussettes propres, qui était là depuis donc 2 semaines. Mais c'est parce que t'es censé. Tu dis tout le temps que t'es débordé tout le temps. Bah que... oui, mais donc, et donc pas tu fais faire à ta mère le tri des chaussettes. Mais non, c'est ça. Mais non, c'est justement parce que je suis trop débordée donc j'avais pas le temps de les trier, tu vois. Je veux pas foutre la merde dans ta famille. Ouais. Tu dis tout le temps que t'es débordée. Ouais. Tu dis tout le temps que tu fais tout le. Bon, c'est vrai qu'elle a 3 enfants. Hein. Bah, elle a pas su s'arrêter, la goulue. La goulue. Non, mais ça va pas. T'es un grand malade. Mais ton mec. Mais il a pas le temps non plus de trier les chaussettes. Ah, ils sont débordés. Mais tu sais, il fait de la musique, il joue de la mandoline, oui. Il a pas le temps. Ah, tu l'as tellement bien vendu. Là. Ouais. Ça s'appelle un glandeur. Hein. Le mot technique. Olivier, bonjour. Salut Manu, salut Romain. Bienvenue sur Énergie. À qui veux-tu dire merci? Alors moi, je veux dire merci à mon voisin d'avoir déménagé il y a 2 mois. Il faisait vraiment trop de bruit la nuit et puis il prenait ma maison pour une épicerie. D'accord. Ah, il sonnait chez toi. Vous avez du beurre, vous avez des œufs, tout ça. Voilà, il sonnait chez moi, il voulait de la farine, de l'eau, du papier toilette, etc. etc. Ah oui. Honnêtement, j'irais pas bouffer chez lui, hein, parce que là, c'est. Du papier toilette à la farine, ça a l'air bizarre. Merci de nous avoir appelé, Olivier. Il y a Samir sur Twitter qui dit merci à mon fils de 4 ans qui m'a pour la première fois hier dessiné avec 5 doigts à chaque main. Ah, ouais. Bravo! C'est bien. Paulette, tu veux dire merci? Oui, moi je veux dire merci à ma voisine de m'avoir dit vous pouvez faire la fête chez vous quand vous voulez le soir parce que j'entends très mal quand j'enlève mes appareils auditifs. C'est génial. Cool. Ah, elle est géniale cette voisine. Bah, en fait, elle est en train de dire qu'elle est géniale parce qu'elle est sourde. Hein. C'est... Oui, mais elle a l'air de très bien le vivre. Elle m'a dit le soir au moins c'est repos. Bah, c'est... Tu te rends compte que cool. Non, mais des gens pour dormir ils sont obligés de mettre des boules caisses. Elle enlève son appareil auditif. Pouf. Eh ben ouais, elle est tranquille. Oh, c'est très bien. Ouais. Meilleure voisine pour faire la fête. Ah ouais. Il faut qu'elle aille habiter au-dessus des boîtes de nuit. C'est clair. Sur les côtés. Il y a quand même des fois j'entends un peu de bruit. 8h23, Kenji sur LRJ. Soyez les bienvenus, on est jeudi. C'est le 8 novembre, on démarre la journée tous ensemble. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. On passe à pleurer sa moncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête.

conditions en point de vente ou sur occasiondulion.com. Oh, regarde la girafe. Et le rhinocéros. Un hippopotame. Et la gigogne qui fait son lit. Aujourd'hui, c'est un grand J pour les doudous et les ours chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur les gammes Doudou et compagnie et Histoire d'ours. Seulement chez Jouet Club. Jouet Club. Voir conditions en magasin. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe chez But. Pour le déstockage, les prix sont au plus bas. Non mais venez vite voir, faut voir ça. Dernier jour du déstockage monstre chez But. En ce moment, prix sacrifié sur de nombreux produits. But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions et produits concernés en magasin sur but.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les déplacements d'Hugo qui changent. Avec le carburant à prix coûtant. Le carburant à prix coûtant, Hugo. Du coup, évite d'aller faire le tour des stations essence pour comparer les prix. Surtout au prix de l'essence. Jusqu'au 17 novembre 2018, vos magasins Auchan vous proposent le carburant à prix coûtant. Et vos déplacements changent. Auchan. Voir modalités et liste des magasins participants sur Auchan.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h31, on va s'écouter Calvin Harris juste après les infos et les sondages du matin arrivent. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Le brouillard encore à l'honneur sur une bonne partie du pays. En ce moment, le soleil devrait prendre assez vite le relais dans la matinée. En tout cas, de belles éclaircies sont annoncées sur la majorité des régions. Ce sera un petit peu plus nuageux, mais sec en principe sur la pointe bretonne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à ce soir. Les températures, on est en dessous d'hier. Cet après-midi, il fera 11 degrés à Belfort, 13 à Brest, 14 pour Albi. Le cyberharcèlement, un nouveau fléau qui touche de plus en plus d'ados en France. C'est souvent très violent sur les réseaux sociaux avec des photos, des moqueries ou encore des insultes qui blessent. Un phénomène qui inquiète d'ailleurs les autorités et les parents pour la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école ce jeudi. Le 39-20 pour signaler tout abus, tout excès ou encore pour parler pour les victimes. Le dernier bilan des recherches à Marseille, une sixième victime, un sixième corps a été retrouvé dans les décombres des immeubles effondrés lundi. Hier, un autre bâtiment vétuste s'est écroulé, cette fois dans le Grand Est à Charleville-Mézières, sans faire de blessés, heureusement. Deux classements, deux critères. L'Argus dévoile cette semaine un sondage sur les voitures préférées des Français. Pour la qualité, c'est Audi qui place quatre modèles aux quatre premières positions avec le Q5 en tête. Pour la fiabilité, là, on retrouve une japonaise de loin devant, la Toyota Prius, suivie de deux Honda. La première française, la Peugeot 2008, n'est que sixième. Un nouveau bilan contrasté, encore une fois, aucun club français n'a réussi à décrocher une victoire cette semaine en Ligue des Champions de football. Après la défaite de Monaco et le nul de Paris mardi, Lyon a été repris en fin de match hier à domicile contre les Allemands d'Offenheim. De partout, après avoir pourtant mené 2-0 à la pause. Les Lyonnais restent de loin les mieux placés, en tout cas pour la qualif en 8e. Et ce soir, on suivra l'Europa League, notamment Lazio de Rome, Marseille, à suivre dès 18h55. Il passera par Paris, Marseille et Bordeaux en tournée l'été prochain avec Énergie. Le groupe Muse fait son grand retour avec son 8e album Simulation Theory, dispo dès demain. Les trois Britanniques nous embarquent en fait dans un univers rétro-futuriste qui rappelle un petit peu le film de science-fiction Ready Player One. Un sacré délire high-tech imaginé par le chanteur et guitariste Matthew Bellamy. Au tout début du projet, je me suis beaucoup intéressé aux jeux vidéo en réalité virtuelle dans lesquels on s'immerge totalement jusqu'à se déconnecter du monde réel en dehors du temps. On peut aller où on veut, être qui on veut. Ça nous a donné envie de nous projeter dans le futur, mais aussi d'un saut dans le passé. On s'est imaginé embarquer dans les films cultes de notre jeunesse comme Blade Runner, Alien et même Matrix avec les bandes originales de l'époque jouées au synthétiseur. Dans cet album, on a voulu à la fois parler de l'avenir et revisiter notre enfance en quelque sorte. L'interview signée Morgan Barthélémy, Muse attendu samedi sur la scène des 20e Energy Music Awards à Cannes. Les Anglais seront également en concert en France l'année prochaine, notamment au Stade de France, à Bordeaux ou encore à Marseille. C'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne journée. Minutes, on est avec vous comme chaque matin. On démarre cette journée ensemble. Soyez les bienvenus sur Énergie. On va s'écouter Calvin Harris. Il y aura aussi trois cafés gourmands. On veut du Claudie Musette. Ah, ouais. Alors, les sondages du matin arrivent dans 3 minutes. Les femmes préfèrent faire ça le matin, les hommes plutôt le soir. De quoi il s'agit, je vous le dis, ça n'a aucun rapport avec le sexe. Voilà. Okay. Avant ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester là. Hein. Évidemment qu'on va aussi parler de sexe dans l'émission. Ah. Avant ça, avant-hier aux États-Unis, vous en avez certainement entendu parler, c'était les élections de mi-mandat. Oui. C'est-à-dire que c'est les élections au milieu du mandat de Donald Trump. Ouais. Donc les résultats sont tombés hier et il y a un problème. Il y a un vrai problème avec un candidat. Au Nevada, dans l'état du Nevada, un candidat a remporté l'élection avec 63% des voix. En soi, c'est très bien. Ouais. Sauf que le candidat, il est mort il y a un mois. Mais non. Quoi ? Mais comment c'est possible ? Alors, c'est très simple. Là-bas, le code électoral du Nevada fait qu'il était impossible d'enlever la candidature du mec. Ouais. Ah ouais. Même s'il meurt. Et les gens ont quand même voté pour lui. Oh. Mais ouais. Putain, c'est tellement dur pour les autres candidats, quoi. Ah mais, c'est-à-dire que, à partir du moment où les gens préfèrent voter pour un mort que pour toi, c'est fou, il faut que t'arrêtes la politique. Ah mais tout de suite. Mais c'est dingue. C'est que dans ta vie, ta carrière, ta vie n'est pas faite pour être avec les gens. Ah ouais, ça se voit là. Ah mais clairement. Tant qu'on parle des morts, voici une info de Johnny Hallyday. Pardon. C'est un peu tôt. Excusez-moi. Oui, mais enfin, l'info est dingue. Laisse-nous nous remettre quand même. Comment ouais. Laisse-nous nous remettre quand même de la mort. Remets-toi. Ouais. Mais quand même, l'info la voisin. En dehors des albums de Johnny Hallyday, voici l'un des objets de Johnny les plus vendus. D'après vous, qu'est-ce qui en ce moment cartonne? Il y avait un mégot qui a été vendu aux enchères. C'est pas un mégot. Les costumes. C'est pas un costume de Johnny Hallyday. C'est un truc qu'il a possédé lui ou... C'est ça, hein. Alors, oui et non. Il l'a pas vraiment possédé. C'est très bizarre. Ah ouais. C'est un des objets les plus demandés en rapport avec Johnny Hallyday. Ils appellent même ça maintenant le modèle Johnny. Ben oui, le modèle Johnny. Le modèle Johnny. Attends, c'est pas un sous-vêtement ou un truc comme ça, non? Non. Rien à voir, non? La perruque Johnny Hallyday, la coupe de cheveux? Non. C'est quoi? On l'a tous vu. C'est quelque chose qui touchait Johnny? Ouais. Il le touchait, c'est pour ça qu'on le veut. Ah, c'est sur lui ou... c'est bizarre. Il le touchait. Non, il le touchait pas en fait. C'était, mais on l'a tous vu. Et évidemment, il était en contact avec. Son téléphone. C'est un déguisement? Écoutez bien. Ultra demandé. Voici ce que les gens appellent le modèle Johnny, le cercueil. Mais non. Blague. Non! Le cercueil blanc Johnny Hallyday est ultra demandé auprès des pompes funèbres. Sérieux? C'est pas une vanne. Oh là là. C'est chelou. C'est un vrai carton. En même temps, c'est vrai que blanc, c'est original, c'est pas mal, ça change. Hein. Ouais. Non, ouais. C'est vrai, ça change. Ouais, j'ai hâte que Paulette se marie en noir. Ouais, c'est clair. Avec, tu sais, pas un témoin, mais des corbeaux autour. Oh, bah, j'ai trouvé que c'était original. Allez, 8h38, les sondages du matin arrivent dans 3 minutes, juste après Calvin Harris. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come. bienvenue sur Énergie, 8h41. Nous aimons l'amour, mais c'est quand même bien plus rigolo quand on s'engueule. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler maintenant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Vous êtes en couple, venez, n'ayez pas peur. Ouais. Et venez nous raconter vos meilleurs souvenirs en couple et vos pires souvenirs en couple. Oui. Mais chacun son tour. Ouais. Bon, on fait les meilleurs rapides et après on parle des pires. Ouais. 0870 42 48, on vous prend au téléphone juste après 3 cafés gourmands. Avant ça, voici les sondages du matin. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as en magasin? Oh, l'expression. Oh, la mamie, quoi. Oh, l'expression. Alors, Isabelle, je t'assure, vraiment, je dis ça pour ton bien. Ouais. Parfois, retiens-toi. On en a tout ça aujourd'hui, mais en 1984, ça coûtait 4000 euros. D'après vous, de quoi il s'agit? C'est un objet qui se branche ou pas? Genre un truc ménager? Un robot ménager? Non, c'est pas un appareil ménager. Ah. Non. Télévision, écran plat? Non plus. Mais c'est un appareil, on est bien d'accord. C'est un appareil. Un lecteur de DVD? Ah, non, on en a tous un aujourd'hui. Lecteur de DVD, on en a même presque plus d'ailleurs. Mais en 84, ça coûtait 4000 euros. Le portable, le téléphone. Eh oui, le téléphone portable. Non, c'est vrai. 4000 euros? En 1984, il y a 40 ans. Hein. Ouais. C'était cher à l'époque du coup, parce que c'était les premiers, mais là, Apple est en train de rattraper un petit peu quand même. Plus on attend, plus ça augmente le prix. Oui, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Ça va revenir à 4000 euros. Et on est parti dans les téléphones de plus en plus petits. Oui. Et c'est vrai qu'ils augmentent de plus en plus maintenant et le prix va avec. Tous les jours dans le monde, cet objet est volé au moins une fois au supermarché. Qu'est-ce que c'est? La barre client suivant. Ça doit être drôle d'avoir ça. Ça doit être stylé d'avoir ça. Mais ouais. Non, les gars. Bah quoi? Bah déjà, on ne vole pas. Mais non, non. Et d'avoir ça chez toi, qu'est-ce que t'en fais? Mais ouais. Mais non, mais alors, tu ne voles pas, mais si quelqu'un en vend une, oui. Ouais. Et ben, je trouve ça marrant. Tu mets client suivant. Ah oui? Quand, je sais pas, quand tu bois, t'offres un verre à quelqu'un, je sais pas, tu mets client suivant. Quand ta femme t'énerve, tu mets client suivant. Oh, non, tu fais l'amour avec ta femme et c'est elle qui met client suivant. Fausse bonne idée, là. Elle te fait comprendre que la mec, t'as pas été au top. C'est pas ça. En fait, tous les jours dans le monde, l'objet volé au moins une fois dans un supermarché, c'est le caddie. Le caddie à roulettes. Ah. Sérieux? Ah ouais? Ah ouais. Après, le truc, c'est comment tu fais pour le voler? Comment tu fais pour le ramener? Et puis qu'est-ce que t'en fais dans ton appartement? Ouais. Non, mais souvent, t'as des jeunes qui font ça, t'es des mecs un petit peu alcoolisés qui font des courses de caddie, quoi. Ah, je pense qu'ils le déposent à un endroit. Moi, je suis déjà rentré en caddie d'une soirée. Et je l'ai rapporté après, mais j'étais rentré en caddie, quoi. Poussé par un ami. Ça va pas bien, là. Tu as rapporté le caddie. C'est-à-dire que tu sors de la soirée, t'as un supermarché, tu prends le caddie. Ouais, c'est ça. Mon ami me poussait, m'a ramené jusqu'à chez moi en caddie, parce que j'étais fatigué. Et le lendemain, le caddie était devant chez moi, je l'ai rapporté au supermarché, j'ai récupéré aussi le jeton. Moi, j'ai un souvenir d'une course de poubelle comme ça. Ah ouais, ouais. Bah voilà, c'est le même style. Si vraiment on vient pas te donner deux bonnes raisons de pas boire, là, vraiment. C'est clair, c'est ça. Bien joué. Les femmes préfèrent faire ça le matin, les hommes plutôt le soir. Qu'est-ce que c'est donc, Isabelle? Prendre une douche? C'est pas ça. C'est un truc à la maison que tu fais à la maison? Oui, c'est à la maison, absolument. C'est un truc chiant? Ah oui. Oui, vraiment. Faire le ménage, passer l'aspi? Ça a un rapport, mais c'est pas ça, faut être plus précis. Passer un petit coup d'aspirateur? Non. Et c'est une tâche ménagère du coup, précisément. Ouais, c'est une tâche ménagère, ouais. Ah. La vaisselle? La vaisselle. Ah ouais. Les femmes préfèrent le matin, les hommes le soir. Ah ouais. Et moi jamais. On s'en doutait, Manu. 8h44, on va s'écouter 3 cafés gourmands. Et juste après, on va retrouver Sandrine et Cédric, qui sont en couple depuis longtemps et qui vont nous raconter leurs meilleurs souvenirs et leurs pires souvenirs surtout. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri. Johan sera en voyage.

On démarre la journée ensemble, c'est Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus parmi nous. Les infos arrivent à 9h. Et à 9h10, c'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et ouais, je voudrais que ça dure longtemps. C'est le nouveau Amir. Ça s'appelle Longtemps, on va se l'écouter. Et Amir sera avec nous, mais c'est après-demain. Hein. Ah, ouais. Ouais. Le 10 novembre, samedi, vous n'êtes pas au courant. Faites un effort. C'est les Energy Music Awards, samedi soir. Et samedi, entre 10h et midi et demi, et ben, on va faire une émission exceptionnelle. Amir sera là. Il va chanter. Je crois même qu'on va démarrer l'émission à 10h avec Amir. Il y aura Jennifer, il y aura David Guetta qui sera là, Patrick Bruel, Soprano, Slimane Evita, Offenbach, Christine and the Queens, and the Queen, Chris, je sais plus comment on doit l'appeler. Ouais, tu peux l'appeler Chris, hein. Ouais. C'est quoi ? On va l'appeler Valérie. Elle va être contente. Ce sera simple. Ce sera, voilà. Ou Bernard. Bon, elle sera là avec nous samedi. Il y aura aussi Kenji et on vous offrira les toutes dernières places pour les Energy Music Awards. Le soir même, ce sera en public, on sera juste en bas du Palais des Festivals à Cannes. Génial. On revient tout de suite sur Énergie. Manu dans le 6-9. Eh oui, c'est Manu. Sur Énergie. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash. Sur Énergie avec Coé à 17h30. Céline ? Oui ? Où sommes-nous en France ? Je suis en Ariège, un Carvabail. Trouve la bonne enveloppe et tu peux gagner jusqu'à 10 000 euros. Je vais choisir Bordas. Ouverture de l'enveloppe, tu gagnes 10 000 euros. Céline, 10 000 euros, c'est ce qu'on t'a. Bravo. 10 000 euros, ma petite Céline. Oh, merci. Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12. Avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of du promo. Ce soir, c'est réunion de famille, on sera une bonne trentaine. Alors, j'ai ce qu'il vous faut, Michel. Pendant le mois Carrefour Market et jusqu'au 11 novembre, c'est le best-of des promos. Par exemple, il y a 70% d'économie sur la carte fidélité sur le jambon à l'os Belle. Un jambon à l'os entier avec 70% d'économie, je peux pas passer à côté. Et en plus, vous avez la griffe et le couteau offert. Ils vont me prendre pour une experte et ils vont se régaler. Carrefour Market. Coffret de 5 kilos, voire modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin adorerait se doter de la fibre pour Noël, pour que sa douce, ses deux ados et lui puissent surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien Damien, détrompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibres à prix Noël. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 1 an, offre soumise à conditions hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile. Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture! Ah bah ça tombe bien parce que demain et après-demain chez Lidl, le filet de 2 kg de pommes de terre spéciales frites est à 1,79€. Moins 1,80€ les 2 kg.